Ce soir, Vivre et créer à la montagne se consacre à deux thèmes. D'une part, André Larivière, figure remarquable de l'antinucléaire, de l'écologie, qui nous a fait la joie de venir nous voir au mois de mars. Et d'autre part, conclusion du périple de Lens, qui a été célébré au Théâtre du Peuple avec le Parc des Ballons. Donc, on va commencer par André Larivière. André Larivière, bien joli Wikipédia, hein. Militant écologiste et antinucléaire, né au Québec, vit depuis 1986 en Europe, et notamment là il est en Auvergne. Il a participé à de nombreuses actions non violentes pour promouvoir la paix, refuser le nucléaire, civil et militaire, défendre l'environnement. Il est engagé dans le réseau Sortir du nucléaire et il a notamment participé à trois jeûnes de longue durée en 1983 de 40 jours pour le désarmement à San Francisco, en 1986 de 31 jours devant la base militaire américaine de Mühlingen en Allemagne pour demander le retrait des missiles Pershing. En 2004, jeune de 36 jours à Paris, pour demander un véritable débat démocratique sur le nucléaire et l'abandon du projet de réacteur nucléaire de troisième génération EPR. Il a été reçu par Jacques Chirac à cette occasion. Alors voilà, il est aussi écrivain, il publie des livres, des nouvelettes aussi, comme il dit, et beaucoup de réflexions. Et on l'a revu ici dans les Vosges très récemment, au mois de mars donc, où il est venu faire une conférence chez Pierre Feuthet et une autre le jour de la Sélénite, pleine lune, invité par Marie-Pascale Godet. Donc il est venu d'abord au café Emma à Darniel, au café Créma à Darniel, pardon, Café Créma, oui, et chez Élise. Et donc là, on a enregistré les propos que vous allez entendre. Alors je précise, donc effectivement, on avait écouté, nous, sur nos ondes, il y a un mois, dans des extraits de la Sélénite du 18 mars, et également, Marie-Pascale Godet, dans son émission Tapage, jeudi dernier, a consacré toute son émission à André Larivière. Alors, lui consacrer encore du temps et l'écouter, ben, ce n'est pas vain et ce n'est pas superfétatoire. C'est vrai que l'homme est chaleureux, plein de talent, plein d'idées, et il nous laisse ici une trace vraiment affective et idéologique, si je peux dire, vraiment marquante. Bon, donc voilà, on écoutera André Larivière donc ce soir dans une première séquence là d'environ 40 minutes qui sera suivie par Lens et à nouveau en dernière partie de soirée. C'est-à-dire, ça nous mènera vers 23h, à nouveau, une séquence de André Larivière, toujours chez le café Créma, à Darniel, café extrêmement sympathique. Voilà, eh bien, c'est parti avec la première séquence d'André Larivière, café Créma, le 18 mars. De Busson. Théâtre du Peuple. Non. Théâtre du Peuple, c'est-à-dire là. Non, excusez ma tarte culturelle. Oui, alors son origine, ça s'ouvre sur les sapins. Hein, le fond de Seine s'ouvre sur la forêt vosgienne. Oui. Et Vincent, il habite juste à côté, aux portes, et il défend le théâtre amateur. Mais la base du théâtre du Peuple, ça a été vraiment de mêler le théâtre amateur avec le professionnel. Et c'était, voilà. Mais parce qu'à l'époque, c'était En 1900, c'était des ouvriers. C'est si vieux que ça. Oui, en 1900, ouvriers. Les comédiens, en fait, c'était des ouvriers de l'entreprise Pocher. Mm-hmm. C'est le patron qui a créé ça pour ses employés. Marie-Pascal, si j'avais un oncle. Jamais entendu parler de ça. J'avais un oncle qui était. Il y en avait un qui avait fait ça il y a 2000 ans. Hein. C'était Néron, pour récompenser son peuple, il l'a mis au théâtre. Mais quand il a vu les pièces qu'il faisait, il ne voulait plus y aller. Ils avaient inventé le dramaturge. Mm-hmm. Et la critique sociale un peu à la fois, non ? Ben surtout, oui, parce que les habitants, eux, ils détestaient ce personnage, quoi. Ouais, ouais. Hein, ils étaient restés catholiques dans l'âme. Donc, progressivement, c'était Constantin qui venait des païens et était obligé de se faire baptiser pour devenir empereur. Constantin, c'était pas un empereur roumain ? Romain. Romain. Parce que moi, j'ai un copain que j'avais à Lyon. Il s'appelait Dinu, il était roumain. Et il m'avait dit que son frère s'appelait Constantin par rapport à la Roumanie. Un empereur romain aussi, non ? Constantin, me semble. Oui. Oui, c'est bien un empereur romain. Romain, oui. Non, mais roumain. D'ailleurs, Vincent, oui, disait une chose très intéressante, c'était que la pièce d'or de Constantin était réservée au peuple. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous avez des pièces d'or, elles appartiennent à tout le monde. C'est pas ce que tu m'avais dit, quelque chose comme ça, non ? Non, mais... Il n'y avait pas la pièce de Constantin qui était... Mais l'histoire a évolué, c'est ça qui est bien, l'oralité, non. Tu vois. Non, c'est encore autre chose. Non, c'est pas Constantin. Non, c'est bien ça, c'était une pièce d'or, elle appartient à tous. Constantin, c'est pas la statue qui a anime là-bas Non, peut-être. Non, Constantin, Auguste, qui montre du doigt comme ça. Constantin, en tout cas, c'est lui. On s'en mêle un peu, il n'y a pas un vrai historien parmi nous. Il y a moi, mais bon, je laisse. Il y a l'histoire et les histoires. Ah. Et après, les histoires sont libres. Ouais, mais l'histoire est plus... Constantin est l'empereur qui, en 312, a converti l'Empire romain au christianisme. Tant et si bien qu'à Ramonchamp, par exemple, on a découvert une pièce d'or, pas d'or, de bronze, je crois, je ne sais plus ce que c'est, comme nom. Enfin, en tout cas, d'un côté, il y a Constantin, et de l'autre côté, il y a Soli Invicto Comiti, à mon compagnon le soleil invincible. C'était juste avant sa conversion au christianisme. Oh. Il était d'abord adepte du soleil, du culte du soleil. Après, il s'est converti. Donc, la pièce est datée de juste avant sa conversion au christianisme. Oh, voilà. Ouais. Qu'on a découvert à Ramonchamp il y a environ cinquantaine d'années. Voilà. Voilà. Alors que les Chinois fabriquent du soleil. En nucléaire, maintenant. C'est ce qu'ils viennent de faire, vous avez vu ? Mais non. Ils ont fabriqué, je ne sais pas les termes qu'ils utilisent, de l'explosion de ce moment-là, en hydrogène, je ne sais pas comment ils expliquent ça. Les particules forment la puissance d'un soleil de combien de... On compte en quoi alors là ? L'énergie, on compte en quoi ? C'est pas le projet ITER. C'est un peu comme le projet ITER. J'ai lutté contre le projet ITER en Allemagne, moi. Ouais. J'étais anti-nucléaire en Allemagne. Mm-hmm. J'ai des badges Stop ITER, moi. Mais bon. On écoute peut-être. Non, je vous en prie. Puis on a coupé la parole à monsieur dont je ne connais pas le prénom. Tu me dis. Secondino, il m'a pas coupé la parole. Ouais, non. Ah, ben non, mais je parlais de moi. Tous les deux, j'avais l'impression qu'on t'avait coupé la parole. Et j'ai oublié le vôtre. André. Mais voilà. Moi, je ne retiendrai pas de tout. Je ne retiendrai pas de sitôt le vôtre. Répétez-moi. Secondino. Comme second. Secondino. Ah, c'est quoi ? C'est rigolo, hein ? J'ai un repère. J'ai un repère. C'est un nom qui s'appelait. Quinto. Ah bon, oui. Ah ben une réincarnation, hein. Je vais récupérer la guitare que j'oublie dans le coin là-bas. Voilà. Ben, je vous laisse faire parce que je ne touche pas les instruments. Vincent, toi, ça, oui. Il y a une question au son, ça va aller, tu crois, ouais. Ben, on a un peu le bruit de la sodium, tant pis, hein. Attends. Ah ben oui, mais c'est bête, on va avoir froid. Non, mais arrêtez la soufflerie, je crois. La soufflerie. On peut arrêter que la soufflerie. La baisser ou la ralentir, peut-être la ralentir. Oui, pour le, parce que là, j'enregistre effectivement pour Radio Guémozo, une radio associative. Ah, ouais. Voilà, c'est bien. Ouais. De chauffage, du gain comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà. Puis moi, j'aimerais bien entendre vos prénoms encore une fois. Oui, voilà, on va les faire. Donc, Vincent. Vincent. Félicie. Olivier. Oui. Christophe. Christophe, vous ne l'avez pas entendu encore. Et Segundo. Secundino. Ça va venir. Ça va venir, oui. Oui, non, mais j'y crois. Et donc, on va commencer. Oui. L'idée, c'est très informel, c'est très. C'est sans prétention, parce que moi, je ne me prends pas pour un écrivain. Je suis plutôt quelqu'un qui a envie de conter des histoires de temps en temps. Par divers modes, et l'un c'est oral, l'autre c'est l'écrit, et donc ce sont quelques livres. Le premier différent des autres, ça a été publié en 1997, si je me rappelle, au Québec, ça s'appelle les éditions Éco-Société, puis c'était sur le... Puis j'ai fait beaucoup de marches militantes, beaucoup d'actions anti-nucléaires, pacifistes à travers l'Europe, et entre autres des jeunes politiques, des actions de désobéissance civile, des camps pour la paix, etc. Puis ça, c'est une compilation de ces actions-là et quel type de gens ils venaient, puis qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie en dehors des actions. Mais il est épuisé complètement, c'est pas l'auteur, le livre. Puis ça, c'est le dernier qui reste encore chez moi, fait que... J'essaie de le garder. Puis les deux autres, entre-temps, ben, vu que, comme Marie-Pascale vous a diffusé pas mal, ben, j'ai fait beaucoup de militants, si bien que j'écrivais, j'ai toujours écrit dans ma vie, mais je planquais ça dans un fond de tiroir, puis je m'en occupais pas. Puis là, dans les dernières années, j'ai décidé de me mettre un peu plus en retrait de la militance, partiellement seulement. Je pourrais donner plus de détails là-dessus, mais c'est pas nécessairement le moment pour ça. Et donc, ça m'a permis de retrouver ces petites histoires-là, de les réviser, d'en ordonner certaines. Ça a donné en auto-édition ces deux-là, celui-là qui est paru il y a 2 ans. Il s'appelle « L'homme dans la forêt ». Et donc, il part dans toutes les directions. Il n'y a pas spécialement de fil conducteur, où il y en a des bouts de fil conducteur, comme il y a une petite série... un peu politique dans le premier tiers du livre, mais après, ça, d'une manière générale, c'est plutôt des histoires un peu quotidiennes qui semblent ordinaires, mais qui dérapent tout doucement vers le fantastique ou un léger fantastique sans qu'on s'en rende trop compte au début, tu vois. Et puis là, j'ai un peu inventé le mot novelette parce que moi je suis pas très amateur de genre de romans, excepté quand ils sont géniaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de tartinage dans le monde du roman, et en France on a tendance à croire que tu deviens un écrivain uniquement quand tu as écrit ton premier roman, mais ça tombe bien, je veux pas devenir vraiment écrivain non plus, fait que je reste dans le secteur nouvelle. Puis j'ai même inventé le mot novelette pour désigner des micro-nouvelles qui font rarement plus que 2-3 pages. T'as de grands novelistes aussi comme Pablo Neruda. Oui, mais justement dans d'autres cultures comme chez les Latinos, chez les Anglo-Saxons, le short story qui est l'équivalent de nouvelle, c'est un genre majeur en soi, mais pas en France. En France, ouais. Mais c'est pas grave, on s'en fout un peu de toutes ces catégorisations-là. Et donc, le deuxième, c'est celui-là qui est paru l'automne dernier, qui s'appelle « Les cancre-loups ». Les cancre-loups, c'est un peu un surnom pour soi-même, ses proches, pour à la rigueur, à l'humanité. C'est des gens qui se prennent pas trop au sérieux, qui se prennent pas pour les rois de la création non plus, parce qu'on est plutôt les créateurs de la création, les destructeurs de la création, comme c'est là. Et donc, celui-là, il y a un fil conducteur qui est autobiographique, mais c'est écrit « Novelette, un tantinet autobiographique », mais c'est plus qu'un tantinet quand même. Et mais avec diverses sections de vie, puis j'ai sorti un peu les éléments saillants de ci, de là, mais avec, au départ, des réflexions plus majeures sur l'éveil de la conscience, parce que c'est une recette qu'on ne maîtrise pas, l'éveil de la conscience. C'est comme une étincelle qui se projette ailleurs, puis on ne sait pas la personne qui l'a reçu, le sens qu'il l'a suscité, mais nous-mêmes, on ne saurait pas la créer puis à volonté, et la susciter à volonté. Puis peut-être tant mieux. Comme c'est peut-être quelque chose qui tombe, on ne sait pas d'où ça vient, ou une espèce de miracle, un petit truc, c'est ça que tu veux dire? Oui, ouais, ben, je donne un petit exemple, je pourrais commencer avec ça. C'est on ne peut peut-être pas contrôler, en fait. Oui, c'est vrai qu'on ne le contrôle pas, puis c'est peut-être mieux comme ça, parce que l'homme étant malicieux, souvent, ben, il trouverait un moyen de faire de l'influence excessive, même avec ça, tu vois. Et donc, je vous lis une petite histoire au tout début, qui, c'est dans l'intro, c'est même pas encore dans le texte, qui illustre un peu ce que je veux dire par ce genre de phénomène-là. Fait que, oups, c'est, voilà, où c'est qui est caché? Je vais aller voir. Je vais y arriver. Ah, c'est ça. J'ai fait sécher deux stylos. Bon, c'est. Alors, je vais procéder par le glossaire la prochaine fois, le sommaire, parce que je cherche pour rien. Et voilà. Yavol. Tu avais vécu en Allemagne. Hein? Ça commence. Oui, à Grafenau, c'est un village perdu dans la Bavière, à côté de Deggendorf, à disons 150 km de Munich. Ouais. Mais là, c'est un retour sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis là-bas, ils sont assez fascistes encore. Là, on dit qu'ils sont politiquement un peu arriérés, les Bavarois, tu vois, en général. Ils sont à l'autre bout d'Allemagne, c'est ça, hein? J'ai vécu un concert terroriste. Ah, oui. Avec l'Autriche à droite, la Tchéquie au nord, et en pleine Allemagne, et j'étais le seul Français au milieu de tous les fascistes. Ouais. Et il a bien fallu que je m'affirme, quoi. Les yeux bleus, les cheveux blonds. Voilà, c'est ça, je vais un peu race aérienne, hein, heureusement. Race aérienne, je m'en veux. Mais j'ai sympathisé avec les gens naturellement, et ma grand-mère m'a aidé parce qu'elle a changé les chiottes. Comment ça veut, J'ai une grand-mère extraordinaire, un peu comme, comme une grand-mère, comme Durga. Vous connaissez Durga El Khali, la finalité? Ouais, non, non. Non, mais en fait, elle a réussi à changer les toilettes. Tu gardes pour ce soir. Elle a liquidé des magasins et ils étaient stupéfaits. Ils ont dû se calmer, c'est pas n'importe qui. Mais pourquoi je te parlais de l'Allemagne? C'est que le titre de la toute petite courte nouvelle qui fait une page et demie, c'est Yavol. Ah, d'accord. Oui, oui. Puis pourquoi ça réfère à la Deuxième Guerre mondiale. Pour donner un exemple, comment l'étincelle de la conscience peut surgir même en milieu complètement défavorable. Ouais. Fait que donc c'est, l'histoire. Ça ne se passe pas en Bavière. Pas mais c'est... On essaie de. Oui, oui. Il est rare qu'on ait un bel arrivé. Il faut lui laisser quand même. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez comprendre tout de suite le contexte avec les premières phrases. Ça se passe, en fait, ça se passe dans l'ouest de la France, mais c'est un jeune soldat nazi qui occupe l'ouest de la France. À son corps consentant, il avait rejoint la Wehrmacht, la glorieuse armée allemande. En fait, il n'avait eu d'autre choix que de consentir, car on avait hitlérisé sa jeunesse de bout en bout. Ce jeune Allemand avait eu 20 ans en 1942, il avait donc dû, pendant toute son adolescence, répéter sans cesse « Jawohl » et « Heil Hitler » à tous ses maîtres fous. Ces 9 dernières années, on ne lui avait donné aucun autre choix que celui d'acquiescer à tout et à rien, au pire et au encore pire. Et pas de « oui » mièvre, mou et mesquin, on avait exigé de lui, sous peine de non-vie, un « oui » ferme, entier, fervent, ardent, dans la soumission jubilatoire et l'adhésion active. Yavol, yavol, yavol. Et sans réserve d'aucune sorte dans les moindres recoins intimes. Yavol, et jusqu'en enfer, s'il le faut. Yavol. Honnêtement, dites-moi, comment vous seriez-vous comporté si vous aviez été ce jeune Allemand de 20 ans en 1942? Sûr de ses certitudes, celui-ci occupait un bout de l'ouest de la France et se délassait en lisant un journal de propagande nazie. Quoi de plus normal ? Or, sur la même page, deux articles. L'un parlait des succès de l'armée nazie en URSS, dont faisait foi une photo où l'on voyait à perte de vue des prisonniers soviétiques nus. Et dessous, un gros titre barrait le milieu de la page « Campagne urgente ». En ce début d'hiver, envoyer des vêtements chauds à nos soldats sur le front Est. L'esprit du jeune Allemand alors percuta. Quelque chose clochait dans cette page. Oh, presque rien, un frôlement, un froissement, une micro-fissure où s'engouffrait malgré lui sa conscience. Du fond de l'insensé exacerbé et du grand chaos souffrant, l'étincelle, on ne peut plus inattendue et d'autant plus incendiaire, venait de bondir, créant chez lui une lancinante crise de conscience. Quelques mois plus tard, vers la fin de l'année 1942, notre jeune Allemand désertait l'armée nazie. Puis pour lui, tout ça, c'était sorti uniquement d'une information contradictoire. Les prisonniers nus, à perte de vue, soviétiques, et campagne urgente, vêtements chauds pour nos soldats à l'Est. Sa conscience... Ça, c'est une histoire vécue, ça. Pour qu'il y ait cette étincelle de sa conscience. C'est qu'enfant, avant le conditionnement, il a dû avoir, comment dire... un enseignement religieux ou quelque chose qui fait appel c'est possible un peu aussi. Au sentiment. Oui, c'est possible. Ouais. Une éducation un peu était un peu dans la compassion, quelque part. Tu vois, c'est ça. Moi, votre façon d'écrire, je trouve, décrit bien ça. Vous avez un beau style. Et ça me fait penser directement à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Si j'étais né en 27 à l'âge de Stade. Vous ne connaissez pas cette chanson ? Non, du tout. En fait, il parle de... Aurais-je été plus meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ? Mm-hmm. En fait, il parle justement de ces Allemands qui ont souffert aussi. Il ne faut pas oublier qu'au 42, Berlin, il crevait de faim. Après, c'est Hitler qui était fou, ce n'était pas le peuple. Ça me rappelle un peu l'histoire que je t'ai racontée devant la photo de mon papa, qui est parti avant. Et là, ces nouvelettes sont en reçu une. C'est dans quelle direction d'esprit, dans quelle géographie, histoire? C'est un parcours de vie, c'est plutôt le mien, mais justement, c'est tout le temps un peu cette recherche de ce qui fait sens pour soi. Puis on dit que le sens, faut pas le chercher. Il lance des petits signes, puis il faut le recevoir ces signes-là et s'ajuster en conséquence. C'est plutôt ça le boulot de la vie, on pourrait dire, tu vois. Puis ça sous-entend des fois de lâcher des situations où on avait des avantages bien stabilisés, ça peut vouloir dire prendre de nouveaux risques, mais on le sent si on est sur son chemin ou non. Ça fait que quatre sections là-dedans, la première, c'est tiré de l'introduction, où c'est diverses, quelques petites histoires qui parlent de l'étincelle de la conscience qui surgit où elle veut, même dans le contexte le plus défavorable. Après, la deuxième section s'appelle « Hormones », carrément. Au pluriel, c'est le phénomène de croissance quand tu es jeune, puis je raconte l'éveil pas seulement aux petites histoires d'amour, mais aussi au monde adulte et la confrontation avec la mort pour les premières fois, des trucs comme ça. Après, c'est parents, parce que j'ai une histoire assez difficile avec mon père spécialement, mais je le raconte sans amertume, puis sans ton revanchard. C'est même un peu rigolo, la manière que je raconte tout ça. Il y a beaucoup de trucs rigolos à travers tout ça. La troisième section, c'est Cabane au Canada. Ça raconte la période où, avec mon ex-femme et trois enfants, on a vécu en tout 15 ans sans électricité, sans téléphone, sans eau courante. On a bâti notre maison en rondin. Deux des trois enfants sont nés à la maison. on leur a fait l'école à la maison, les prisonniers, peut-être vraiment des néo-ruraux radicaux pendant 15 ans. Hein. Ouais. Puis la dernière section, après, bon, on était devenus des vieux copains. Mon ex-femme, qui n'était pas tout à fait ex encore à ce moment-là, faisait 17-18 ans qu'on était ensemble, puis on voulait prendre des directions divergentes, fait qu'on s'est arrangé pour faire ça sans drame. Puis après, ben, moi, je suis parti vers l'Europe, après avoir commencer avec un grand jeûne politique à San Francisco de 40 jours sur la course aux armements, qui était plus chaude dans cette période-là parce qu'il venait d'installer les Pershing à l'ouest et les SS-20 à l'est. Ah oui. Et donc, c'est la dernière section s'appelle Chemin. Et là, ben, il y a beaucoup d'histoires assez rigolotes et originales là-dedans. Je compte en lire peut-être une histoire par section. Puis après, bon, on verra. Les sections, elles se sont arrangées. Tu les avais en plan? Tu avais un plan sur ce Non, le plan s'est plutôt placé au fur et à mesure que je révisais, que je regardais ce que j'avais dans mon fond de tiroir. Ouais. Mais par exemple, toute la section cabane au Canada, je l'ai créé au complet vers la fin de la mise en place, parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait rien dans ce secteur-là, puis qu'il y avait des tas de belles histoires à raconter. Tout simplement. Ben, ça me donne envie de commencer avec une de ces, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à propos du cercueil de mon frère. C'est un peu spécial, mais c'est pas, malgré ce que je vous annonce, c'est pas lugubre du tout, mais c'est plutôt, encore une fois, c'est assez drôle. Hein. Bon, fait que c'est... Le cercueil de mon frère, c'est vraiment le titre. Page 135, vous voyez, quand on procède conforme, ça se passe simplement et rapidement. En visite chez mon frère cadet, qui excelle avec l'avant-dernier dans les belles excentricités, comme d'aller camper sous igloo dans les plus froides nuits de l'hiver canadien, autour de moins 40 degrés, et spécialement pour aller manger de la crème glacée, car, disent-ils, c'est pratique, on n'a pas besoin de congélateur pour la conserver en bon état. Pas surprenant, donc, que l'avant-dernier Ferrer, véritable castor bâtisseur de la famille, sur la demande expresse du jeune cadet, alors âgé de 25 ans, ait fabriqué le cercueil de celui-ci en beau bois de sapin naturel et sans traitement. Étant sur place, je m'informe tout naturellement de la santé de son cercueil. Il m'apprend qu'il le garde dans son garage et le sort de temps en temps pour Halloween, bien appuyé contre sa maison. Puisque je m'apprête à passer la nuit chez lui, je lui demande s'il pourrait accepter que je dorme dans le garage et dans son cercueil. Légèrement surpris, il me répond que pas de problème. J'officie donc. Et au réveil, juste au moment où je m'extrais du dit cercueil, après une très bonne nuit de sommeil, je le précise, son fils vient chercher son vélo dans le garage pour aller à l'école. Sans mentionner que mon cadet guettait ma résurrection, entre guillemets, pour faire aussi quelques photos. Avec ce si jeune frère, on rigole bien quand on imagine son fils raconter à ses copains en classe « Je vous jure, j'ai vu mon oncle sortir du cercueil de mon père. » Action des obéissances civiles, des camps pour la paix. Puis ça a été publié au Québec en 1997, puis épuisé, ça fait longtemps, c'est le seul que j'ai encore. Puis ça, c'est paru là, un an et demi, deux ans, c'est des novelettes qui partent dans toutes les directions. Et celui-ci... Dans la forêt, c'est un peu là où vous vivez, en fait, non? Ben, c'est toujours un petit peu autobiographique, qu'on le veuille ou non. Fait que la première histoire, elle l'est plus que moins. Puis, évidemment, il y a des allusions sur mes lieux de vie, mais c'est plus confirmé dans celui-là. Donc, le dernier. Où il y a un fil autobiographique. Puis la troisième section s'intitule « Cabane au Canada ». Ah, j'ai vu. Oui, puis donc, ça raconte toutes sortes d'histoires parce qu'on a vécu en tout 15 ans sans électricité, sans téléphone, sans eau courante. D'ailleurs, mon ex-femme, des fois, elle me jouait le tour, j'étais en train de faucher dehors. Puis elle entrouvrait la porte, puis elle disait « André, téléphone !» Puis moi, comme un imbécile, je commençais à déposer l'info pour aller... Puis là, j'éclatais de rire, ça y est, moi, eu encore une fois, tu vois, mais ça montre que même après des années, on est bien codé. Et donc, c'est là qu'on en était, mais pour changer un peu de secteur, justement, vu que j'ai déjà lu deux petites histoires, Ben, je vais passer une chanson. Si d'accord, vous, d'accord. Vous êtes d'accord? Ah, okay. Oui, avec plaisir. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de mélanger un peu historiette qu'on lit et partage quelques chansons. Puis parce que je précisais tout à l'heure aussi que je me prends pas vraiment pour un écrivain, j'écrirai pas de roman un jour, même si ça a l'air obligatoire en France. C'est dur, un roman, hein, ça travaille 8 heures. Oui, mais ça me tente même pas. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires de diverses manières, tout simplement. Fait que là, bon, on va aller au Québec, il va s'en dire. À tout seigneur, tout honneur, c'est... C'est Vigneault. Non, c'est pas moi le seigneur, c'est Vigneault, Jules Vigneault. Et une donc... ressemblance, d'ailleurs. Pardon? C'est une petite ressemblance. Vous avez une ressemblance avec... Il y a 20 ans de plus que moi. Il y a... Puis, mais il a toujours été de qualité musicale égale supérieure, à la différence de Charles Bois, qui lui avait des trucs à dire dans les années 70, puis après il a dégringolé. Depuis, il ne fait rien d'intéressant. Bref, là, c'est une chanson que j'aime bien parce qu'il dit « J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdurerai-je ma peine, perdurerai-je mon temps ?» Et donc, c'est une question qu'on peut se poser ou que les gens nous posent quand on donne l'impression qu'on ne fait pas grand-chose à part planter un arbre. Mais ceci dit, Luther, sans faire dans la religion, qui disait ben, « Même si je savais que demain, ça va être la fin du monde, planterait quand même un petit pommier aujourd'hui. Mmh. » Puis il y a Félix Leclerc qui disait « Remarquez qu'un vieux pommier ne produit pas de vieilles pommes. » C'est sympathique tout ça. C'est une anecdote à propos des pommiers. J'ai un propriétaire qui a planté ses pommiers et qui en a planté un sur le terrain du voisin. Ouais. En attendant qu'il arrive. Oh. J'avais oublié de l'accorder, mais ça a l'air d'aller, malgré le frais humide. Donc, c'est parti pour « J'ai planté un chêne ». J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, mais ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant, mais l'amour m'enchaîne, perdrai-je ma peine? Le roi et la reine perdront leur manant, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Serai capitaine de mon bâtiment, tout en bois de chêne, perdrai-je ma peine? Serai capitaine sur mon bâtiment, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Belle complainte. c'est un si joyeux avec une rime en haine. Ce qui me pose question, c'est l'amour et la haine sont mes enfants. Oui, c'est ça. C'est triste quand même que la haine soit enfant aussi. Bah, oui, mais c'est un poète qui parle. Hein, il peut pas grand chose. J'ai encore une anecdote, c'est les Espagnols qui plantent l'arbre qu'ils veulent dans leur cercueil. Oh. Il s'agit d'une boîte, ils sont incinérés, ils vont dans une boîte qui va faire régénératrice de la plante et ils mettent la petite graine avec, voilà, et ils choisissent l'arbre avec lequel ils meurent pour redevenir l'arbre. Mais un pommier, je n'avais pas pensé, ça m'intéresse. Puis donc, juste avant que vous arriviez tous, il y avait Élise qui nous prête le lieu ici, on la remercie encore. Puis aussitôt que Marie-Pascale m'avait envoyé une photo d'une partie du lieu, parce que c'est vaste. Puis là, aussitôt que j'ai vu la photo, j'ai dit « Ah, ça m'inspire une petite histoire qui est là-dedans. » Ça, c'est l'autre recueil, celui de v'là 2 ans, qui... le lieu me fait penser à cette petite histoire-là, fait que je pourrais la lire. Puis avant que vous arriviez, vu qu'elle ne pouvait pas rester, puis elle a très peur du virus, de le communiquer, de l'attraper, bien, elle se tenait à distance, fait que je lui ai dit, écoute, avant que tu partes, je vais quand même te lire l'histoire à laquelle m'a référé ton lieu, puis là, bien, je recommence pour vous. C'est tout court encore, puis ça s'intitule, l'histoire, c'est... L'homme dans la forêt 2, parce que c'est le titre du recueil, puis les deux premières histoires, ils portent le même titre, puis après ça part dans toutes les directions. Puis la première histoire, bien, c'est un ermite qui vit en forêt canadienne, puis il y a le fonctionnaire qui vient pour le voir, parce qu'ils disent, on vient de réaliser que vous existez, parce que vous ne demandez jamais rien, puis vous n'avez pas de compte en banque. Puis bref, lui, il le pousse gentiment à la porte, puis en disant, je suis misanthrope, mon ami, misanthrope. Et puis l'autre, le fonctionnaire part, puis il est en colère, il dit, ben, on va vous ignorer, puis un jour on va apprendre que vous êtes mort gelé dans votre camp rondin, un point c'est tout. C'est l'histoire de l'homme dans la forêt 1. Mais vous allez voir, l'homme dans la forêt 2 est complètement différente, c'est pas le même milieu, parce que ça fait penser au lieu ici. Mais en même temps, c'est pas si rigolo non plus dans ce cas-là. Mais c'est pas lugubre. Hein. Puis ça, c'est encore une touche rigolote quelque part. Ma belle amie, combien douillet votre salon. Entre plantes vertes et douce musique classique, entre lumière tamisée et calme palpable, entre bon goût, art et sérénité, je trouvais votre sofa et m'y laissais couler. Telle chrysalide dans son cocon, telle clé de sol sur sa portée. Et puis, surpris de si bien m'y sentir, je décidai de ne plus partir. Je choisis de m'enraciner. Une plante verte en plus dans votre salon. Il est vrai que j'avais toujours eu une certaine verdeur. D'abord, surprise, il vous plut de jouer le jeu. Votre pouce vert me fit produire de belles feuillées et même quelques fleurs de la passion. Parfois, vous me transportiez dans votre alcôve et nous jouions à étamine pistil, et cela sans que votre couche n'eût trop à en gémir. Avec des gestes tendres et délicats, à quelques reprises déjà, vous m'aviez rempoté. Puis, vos humaines affaires ailleurs vous appelèrent, de nouveaux amis, un nouvel ami. Vous commenciez à me délaisser, vous négligiez de m'arroser, m'avérais-je trop statique, trop peu éloquent. Bientôt, je ne bénéficiais plus d'aucun soin. Et je perdis toute capacité de mouvement et d'expression. Au lieu de flétrir et faner, je fossilisais. Je pris assez vite, à ma propre surprise, l'allure d'un personnage en bois pétrifié depuis des millénaires. Je sentais confusément que je devenais encombrant, mais bon, chacun son destin. Et effectivement, un jour que mon hôtesse recevait un visiteur assez gentil pour donner un coup de main, je fus transféré dans le jardin derrière la maison. Entre roses, pivoines et hortensias, je découvrais ma nouvelle vocation de nain de jardin. Celle-ci n'est pas sans attrait. Des corps et témoins à la fois, à la manière des chats, mais en plus sphinx, on quitte certains mondes pour se sentir pénétré en d'autres plus attentifs. J'aurais peut-être aimé rencontrer un semblable, l'histoire d'entendre son histoire et de voir s'il se trouve des parcours parallèles, mais aucun autre nain de jardin à l'horizon, que des adultes qui dénigrent et des enfants qui écarquillent. Puis, par une nuit sans lune, je fus kidnappé par le Front de libération des nains du jardin. Ils m'installèrent dans un grand châtaignier à l'orée d'une belle forêt de feuillus. Je restai là, assis à mi-hauteur de l'arbre, calé bien au chaud dans les bras d'une forte branche. J'ai toujours aimé plus de nature, je m'en trouvais donc fort content. De mon poste, j'observais confortablement les alentours. Sur le sentier qui dévalait du pré d'à côté, je vis un jour venir un couple qui marchait en se tenant par la taille et s'arrêtait de temps en temps pour se bécoter. « Tiens, qui voilà ?» me dis-je, car je venais de reconnaître en la femme ma belle amie. Elle semblait très amoureuse. Je voulus lui faire un coucou pour la surprendre un peu, en vain bien sûr, pour un instant, j'avais oublié ma pétrification. Je me trouvais très drôle et une perle d'humidité à ce moment-là suinta sur mon bois. Mais l'image du Canada a bien changé, c'est plus la cabane au Canada. Hein? Comment? Les Canadiens disent qu'ils ont un stéréotype de la cabane au Canada. Tu crois pas si bien dire, André a construit une cabane en rondin. Oui, mais c'est ça, oui. J'ai construit ma maison en rondin avec les enfants qui ont épluché les arbres avec, ah des, oui? avec des hachettes sans se blesser du tout. Puis on l'a vraiment construit ensemble, sans permis de construire. C'était encore possible dans ces années-là, parce que c'est une région au centre-nord du Québec, sur la limite des régions habitées. Et mais maintenant, je suis certain que c'est plus possible. Puis c'était drôle, parce que ben, c'était rustique, et on était costaud quand même. Parce que toi, on est arrivé là, je ne sais pas, au mois de mars, avril, mars, sans doute, je ne sais pas. Puis, il y avait au Québec, dans ces mois-là, il y a encore ça de neige. Hein. Fait qu'on a commencé en pelletant un carré, de neige, le carré de neige. On voulait installer une cabane en plastique. Puis on a installé un poêle à bois dans la cabane en plastique. Puis on vivait là, tout en préparant les arbres pour la construction. Puis je me rappelle, puis ça faisait beaucoup d'écorce d'arbres qu'on allait enlever. Puis on se réchauffait le soir en faisant des gros feux d'écorce d'arbres. On avait un Saint-Bernard, puis les bêtes, ils comprennent pas facilement les reflets. Puis d'habitude, ils gueulent jamais, ils gueulent rarement les Saint-Bernards, et celui-là, pas du tout. Mais là, ils gueulaient sérieusement pour nous alerter qu'il y avait le feu dans la cabane en plastique. Ouais. Alors que c'était le reflet du feu dehors, mais ils comprenaient pas ça. Ouais. Le feu, c'est pas... Et qu'on a vraiment, c'est raconté dans cette section-là qui s'appelle, justement, qui s'intitule Cabane au Canada. Ben, tenez, je pourrais vous en lire un de cette section-là qui est justement. Gentil, début, c'est quoi un cancre-loup? Pardon? C'est quoi un cancre-loup? Cancre-loup, ben, je l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est un peu tout le monde. C'est d'abord soi-même, c'est nos proches, c'est l'humanité entière, c'est des gens qui ne se prennent pas trop au sérieux. Et qui se prennent surtout pas pour les rois de la création. Hein, parce qu'on ne vole pas toujours très haut. Hein, en général. C'est la même famille que cancre et que loup. C'est un... C'est un cancre. Ouais. Non, non, c'est j'ai oublié de le dire. La question est bonne, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est un suffixe d'affection ajouté à cancre-là. Oui. C'est un suffixe d'affection ajouté à cancre-là. Ouais, c'est ça. Mais ça pourrait être un loup-cancre aussi. C'est un mot que tu as inventé. Oui, c'est un néologisme. Les Québécois sont forts dans les néologismes, entre autres, avec les technologies. Fait que vous savez que moi, je suis un des seuls en France à utiliser le mot courriel. Tout le monde dit mail, puis moi, j'insiste parce que courriel, c'est pour courrier électronique, c'est bien trouvé. Hein. Puis un courriel qui te pourrit la vie, un spam, on appelle ça un pourriel au Québec. C'est un pourriel. Et vous avez dit méditance tout à l'heure. Comment? Méditance, vous avez dit. Militance, oui, c'est vrai. On n'utilise pas ce mot-là. Je sais, il n'est pas dans le dictionnaire. Si, c'est si, ouais, dans les milieux militants, on peut l'utiliser. Non, oui. Méditant. Ah, d'accord. Méditant.

Pour le moment, on laisse le seau bien fermé au coin de la maison en rondin. Au retour, on trouve le seau éventré. Un ours est passé par là et il s'est bien gavé. Ses grosses pattes graisseuses nous montrent clairement son parcours. Il a gravi les quelques marches qui donnent accès à la porte d'entrée. En se tenant sur ses pattes arrière, il a mis ses pattes avant et son museau plein d'huile contre les vitres de la porte. Mmh. On suppose qu'il a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison sans toutefois trouver grand-chose digne d'intérêt, surtout quand on est déjà gavé d'huile. Quoique l'ours brun ou noir de l'est du Canada soit plus placide et calme que son congénère grizzly de l'ouest, on n'a pas nécessairement envie de le rencontrer face à face au crépuscule en tournant le coin de la maison. Surtout que maintenant, la grosse bête croit qu'il y a festin à s'offrir par ici. On s'informe rapidement et on nous dit que l'odeur et le bruit du chien éloignent l'ours. Le nouveau chien Terre-Neuve, tout noir, est installé dans sa niche à côté de la maison. On l'entendra quelquefois gueuler soudainement avec force dans les nuits d'après, puis tout redeviendra tranquille. Donc il y a des lacs à côté. Pas à côté, mais en contrebas de la maison, mais il y avait une grande côte entre les deux. Il y avait une grosse rivière qui s'appelle Metabetchouan. Ça veut dire qu'il sort du bois en courant. Un mot amérindien. Amérindien, oui. Metabetchouan. À propos des Amérindiens, est-ce que tu avais un lien avec eux? Enfin, t'imagines tout à fait dans une tribu amérindienne. Oui. Ben, j'ai une autre histoire là-dedans que je pourrais raconter, c'est que on a eu un voisin, notre seul voisin, à l'endroit où on a vécu 5 ans, à 50 km du premier village. On a notre seul voisin pendant 3 ans ou 4, je ne me rappelle plus, c'était un métis, c'est-à-dire de mère amérindienne et de père blanc. Ouais. Puis lui, il venait veiller chez nous tous les soirs, puis là, je raconte un peu comment ça se passait avec lui là-dedans. Faut imaginer quand même 50 km du premier village. Ouais, hein. Ouais. C'est l'ermite, quoi. Et 100 km du premier hôpital. Fait que, par exemple, vu que c'est moi qui ai accouché mon ex-femme, qui était poète, puis c'était vraiment son choix, parce que, ouais, elle avait détesté l'hôpital la première fois. J'étais un maniaque hygiéniste. À un moment donné, avant d'allaiter le bébé, elle s'est touché le mamelon, mais ils l'ont obligé à se désinfecter avec de l'alcool avant de donner la tétine. Bon, en tout cas, puis donc j'avais trouvé une sage-femme, puis ça aussi je le raconte là-dedans, c'est accouchement à la maison, puis qui m'a donné tous les trucs de base, parce que c'était à 100 km du premier hôpital, puis moi je... T'avais les premiers gestes. Ouais, ouais, puis je savais pas recoudre si jamais elle déchirait au niveau du périnée, puis elle avait déchiré pour les deux avant, fait que... Mais là, elle m'a donné un bon truc, l'huile de germe de blé. Puis tu masses le périnée tous les jours pendant les semaines avant, puis ça le rend beaucoup plus élastique. Puis moi, j'étais tellement dans mon boulot d'accoucheur que quand le bébé est né, je m'occupais pas ni de l'heure, ni du poids. Je disais, t'as pas déchiré. Est-ce qu'il a crié le bébé? Tout va bien. Ah oui, où le bébé déjà? Eh bien, madame, elle contracte naturellement le périnée. Oui, ça n'empêche pas qu'il puisse déchirer quand même. Puis j'aurais pas su recoudre. Mais puis, ça me touche, je profite de Vincent qui est parti. On en reparlera après, mais moi j'ai passé tous les étés quasiment à Émoulière, dans ce petit village du Mille Étangs. Quel village? Émoulière des Mille Étangs, je ne sais pas si vous connaissez la région des Mille Étangs. C'est la région Haute-Saône. Je connais très peu le nord-est de la France. C'est le haut de la Haute-Saône et il y a Mille Étangs en fait, dans toute une partie. Et mes parents avaient un chalet. Mm-hmm. Et pareil, j'allais là-bas l'été, je vivais avec de l'eau de la source, je faisais la vaisselle avec de l'eau de la source. C'est un milieu glaciaire, comme c'est interglaciaire actuellement. Là, c'était glaciaire auparavant. Ouais. Donc, c'est les résidus de tous les lacs. Mmh. Tous les lacs sont résidus de l'eau ancienne qui donne naissance à des oiseaux rares aujourd'hui, des fleurs rares encore aujourd'hui. C'est très intéressant comme région. Je restais pas 2 mois, je restais 1 mois et demi. Mais je nageais dans les étangs. J'écoutais de la musique. Toutes celles, jam, la musique américaine. Mais ça veut dire que tu avais l'électricité quand même. J'avais l'électricité. Il les refournait, ouais. Mmh. Mais en été, c'était magique de vivre comme ça. Mmh. Oui, il y en a des naturels étudiante à Lyon, donc je repartais carrément dans la, la grande ville. La cité, ouais. je ne sais pas comment on dit, la cité. L'urbanité. L'urbanité. Elle a vécu sans électricité. Ah, c'est ce qu'il est. Oui. Moi, j'avais quand même l'électricité. Le gaz aussi, pour venir choper les Puis alors, vous viviez de pêche, de chasse? Pardon? Vous viviez de pêche et de non, chasse? Parce qu'on était... Moi, je suis strictement végétarien depuis plus de 50 ans. Ça veut dire ni viande, ni poisson, jamais. C'est un vrai bitnik, en fait. C'est un vrai bitnik. Quoi? Bitnik. Oui, mais la bitnik, c'était un peu les hippies avant les hippies en Amérique du Nord. Donc, oui, c'est ça, avant mais... les beatniks. Non, c'était nous, on faisait partie de la vague des 68 ans qui sont allés vers la campagne pour s'installer en tant que néo-ruraux radicaux. Dans l'Aveyron. Non, c'était juste un séjour dans une grande communauté de l'Arche de Lanza del Vasto où il y avait 80 personnes, mais on était là 6 mois à peu près. Parce que puis après, je suis allé en Californie pour le premier grand jeu. Mais le beatnik, c'est début des années 60, c'est Kerouac, par exemple, Kerouac de Colombo. Kerouac Jack. Ouais, c'est ça. Mais non, nous, c'était un peu après quand même. D'accord. Bah oui, moi, c'est pas les beatniks que j'aime bien, alors c'est après, moi. Ouais, mais la période... Joe Cocker, Ouais. Michel Coringe, c'était peut-être un que vous connaissez alors. Qui donc? Michel Coringe en France. Mais c'est quoi, c'est un chanteur? C'est un chanteur qui chante « Venez à moi les paumés, oh, les rejetés, les parias, oh, venez, je vous guiderai, je connais pas. Mais et c'est Jean Jack Kerouac. Non, parce qu'au Québec, vous réagissez, c'est un îlot francophone dans une mer anglophone. Et donc, nous, on était plus branchés sur le rock qui sortait d'Angleterre et des États-Unis. Puis la nuit, la radio AM porte plus loin. Fait qu'on écoutait les radios new-yorkaises, même depuis le Québec. Puis par exemple, Johnny Hallyday, nous, on l'a toujours trouvé nul au Québec. Il n'a jamais marché parce que nous, on entendait les originaux en anglais. Un an et demi après, la petite traduction en français. Il copiait Elvis, mais c'était raté, quoi. Ouais, puis on trouvait ça fadasse, quoi. Mais ça, lancement populaire de Chirac, qui a monté ce personnage venu de l'armée. Il a monté de l'armée pour rivaliser avec Elvis. Avec qui? Elvis. Elvis, Elvis Presley. Je connaissais pas cette histoire-là avec Chirac par derrière. Ben, c'est Chirac qui fait de petites conneries, celui-là. Et un groupe à peine. Finalement, le rock français nous... Trust, non plus. Oui, ou la... Ah ben, non, la grande chanson française, on la recevait au Québec. Comme moi, à 20 ans, je connaissais par cœur l'album de Ferré chante Aragon. Brel, je le connaissais en partie par cœur. Mais la chanson populaire française, plus populaire et rock, on la sentait pas. Non, c'était l'Angleterre, quoi. C'était l'Angleterre et les États-Unis pour nous. Mais la chanson du jour, là, c'est antisocial. Le système français devient antisocial. Antisocial, tu perds. On perd ton sang-froid. Voilà, c'est ça. On perd notre sang-froid en France. Voilà, c'était donc André Larivière. Première partie de cet enregistrement où nous étions un public fervent au Café Créma à Darnieulles. Et on va écouter tout à l'heure la deuxième partie, après la séquence de Lens. Donc dans une heure qui suivra cette séquence de Lens. Voilà. Alors Lens, on va en parler. C'était un périple que Simon de l'Étang a voulu faire sur les traces... de ce poète fou, un petit peu, et un peu maudit, qui a traversé les Vosges à la recherche et sur le chemin du pasteur Oberlin à Walbach. Alors c'est toute une vie retracée par Büchner et Simon de l'Étang a parcouru à pied les Vosges dans les quatre directions, dans tous les sens, pour donner des spectacles itinérants chaque soir dans tel ou tel lieu. Et il était accueilli ainsi, et l'accueil était organisé par le parc des Ballons des Vosges, qui donc était là aussi au Théâtre du Peuple, avec Laurent Seguin, le président, et avec Violaine Jost, Violaine Poteau Jost, qui était l'organisatrice principale. Donc on va écouter cela, il y avait un public invité qui a donc assisté à cette présentation, à cette cérémonie, si on peut dire, à cet au revoir à Lens. Et c'était suivi d'un film. Alors nous, on ne passera pas le film, bien entendu, on n'écoutera que l'heure, quand même, pleine d'échanges avec Simon de l'Étang et avec le Parc des Ballons. Voilà donc cette journée au Théâtre du Peuple, qui était en quelque sorte le début de saison, vraiment au théâtre, puisqu'il y a eu aussi une action au casino avec un spectacle, mais c'est vraiment le démarrage en quelque sorte de la saison. Et c'est pourquoi nous vous le faisons entendre. Bien, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour ce qu'on a appelé la cérémonie de clôture, pour donner un petit peu un nom flamboyant à cette expérience et à la fin de cette expérience. Donc j'ai eu plaisir à évidemment retrouver des visages connus ou inconnus, même j'ai des surprises de personnes qui viennent aussi par curiosité, et tant mieux. On va tout de suite faire un petit peu l'introduction de cette cérémonie. Donc, je suis en compagnie de Laurent Seguin, qui est le président du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, et Violaine Poteau, chargée de mission au service culture, qui a été vraiment, je reviendrai tout à l'heure, mais notre associé à ce projet pendant ces quatre années. Et je vais tout de suite laisser la parole à Laurent, qui va dire mieux que moi ce que le parc pense, je trouve. Merci Simon, bonjour mesdames et messieurs. Bon, simplement, moi je suis un peu impressionné, là, comme on le disait tout de suite, d'être sur cette scène. C'est pas l'habitude de. C'est pas une scène que j'en fais habituellement. On pourrait parler de scène politique, c'est pas tout à fait celle-là. Ça peut peut-être être du théâtre quelquefois, mais enfin, là, c'est une autre histoire. En tout cas, content de me retrouver ici avec vous, et puis, quelques bribes de conversation que j'ai entendu tout à l'heure et puis des propos que j'ai pu échanger avec certains d'entre vous, j'ai vraiment le sentiment que des liens importants se sont tissés pendant ces trois années de l'aventure Lens. Et donc, simplement, sans en dire plus, je pense qu'il faudra qu'on sache les entretenir et faire perdurer ces liens dans le temps. Donc pour l'instant, moi je voudrais revenir sur quelques messages essentiels par rapport à cette journée de clôture. Donc tout d'abord, rappeler quand même la place très particulière du Théâtre du Peuple dans le territoire, alors territoire géographique, mais aussi dans le projet culturel du Parc naturel régional. La singularité de ce Théâtre du Peuple, donc le Parc souhaite bien sûr le soutenir et contribuer à son projet, et ça depuis la création de la mission culturelle du Parc. Et ça fait déjà quelques années qu'on a des rapports privilégiés avec le Théâtre du Peuple. Le projet culturel du parc se résume en deux volets. Il y a un volet patrimoine culturel, et puis ensuite il y a les actions de développement culturel pour les habitants de ce territoire. Sur les actions de développement culturel, il y a une place qui est réservée à la création artistique et le rôle essentiel des artistes doit être mis en avant. Sur ce rôle des artistes, on veut porter un regard sensible sur ce qui nous entoure, croiser les regards et interroger et créer du lien entre nous. Là, on est en plein dans le sujet à travers ces trois années de l'ES. L'ambition d'aujourd'hui, c'est un jour de clôture, mais qui, je l'espère, nous ouvre d'autres perspectives, c'est de partager le bilan et puis d'offrir un temps convivial en direct qui permette de continuer, donc, comme je vous le disais, à tisser ces liens après deux années difficiles où on a eu du mal justement à entretenir ce lien du fait de la crise sanitaire. L'ENS, à proprement parler, c'était une action de coopération. Dans la suite de précédentes actions avec le théâtre, on a eu vivre une aventure théâtrale, on a eu la tournée des petites formes, puis l'ENS, et tout cela on a fait le tour. C'est une action nouvelle qui a fédéré sur 4 ans et qui avait du sens sur les 4 versants du parc, sur les 4 départements du parc. La création artistique, c'est le lien par rapport au territoire aussi. C'est ça qu'il a fallu mettre en avant perpétuellement. C'est quelque chose d'entièrement autonome techniquement et qui s'est adapté pour chaque lieu. Et on peut saluer Nicolas, le régisseur, par rapport à cette capacité d'adaptation aux lieux qui ont été traversés. C'est un projet qui a été réalisé grâce à l'engagement personnel de Simon Deletan, bien sûr, et de son équipe, et un projet qui a mobilisé l'équipe du parc, alors au-delà de Violaine et de Pôle Culture, puisque même Baptiste et Loris ont pu aussi prévoir des tracés sur ce long parcours. Quelques chiffres, au total 1600 spectateurs sur 20 dates, mais surtout à maintenir un taux de remplissage de plus de 80% en fonction de la jauge des lieux de représentation. 24 collectivités, dont 19 communes qui ont été directement impliquées et 5 communautés de communes. Une diversité de lieux d'accueil, bien sûr des lieux culturels, mais aussi des salles des fêtes, des chapelles, des églises. 36 associations et acteurs culturels, et à souligner dans les associations leur diversité. Ça partait du club de marche, des associations culturelles bien sûr, des troupes amateurs, foyers ruraux, le musée départemental de la montagne, les artistes professionnels également, et 90 marcheurs qui ont fait un bout de l'itinéraire avec Simon. Au total, son itinéraire à Simon, lui, il a tout fait, 470 km sur les sentiers, 18 000 mètres de dénivelé. Voilà, à retenir, c'est pour ça qu'il est en pleine forme aujourd'hui. Voilà, bon, en tout cas, bon, Violaine va compléter mon propos sur les aspects qui lui sont chers. Mais vraiment, vu du côté du parc, du côté des élus du parc, du côté du comité syndical, c'est quelque chose qui a vraiment entretenu notre activité et nos réunions. On en parlait très régulièrement. Et quand on voit le succès rencontré sur le terrain, on n'a vraiment aucun regret de s'être engagé dans ce projet. Voilà, je vous remercie. Dans l'introduction, c'était très impressionnant d'être ici sur cette scène. Alors moi, je vais vous partager plus, parce que tout a été dit par rapport à, voilà, mais plus au niveau personnel, au niveau anecdotes et peut-être souvenirs, et puis des choses qui me sont venues suite à cette expérience de 4 ans. La première rencontre à Gérardmer avec Alice et Simon, dans les bureaux de l'antenne du parc. Et puis finalement, très rapidement, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, une espèce d'évidence en se disant, bah oui, on va expérimenter. Et il y avait Marie-Paul Gay, qui est élue culture au parc, référente culture. Et en fait, suite à cette expérience, cette première tournée, le choix de se dire, bah, on va explorer les différents versants et partir sur la durée. Donc ça, c'est un premier souvenir fort. Le deuxième souvenir que je garde, c'est aussi ce qu'on a appelé les réunions des partenaires avant que les tournées ne commencent. En gros, à J-30, enfin, selon les années, on réunissait effectivement, vous êtes venus pour la plupart ici même au Théâtre du Peuple pour travailler ensemble sur l'organisation de la tournée et les itinéraires. Donc les souvenirs autour de la carte resteront effectivement un beau moment, avec chacun son petit commentaire sur le meilleur itinéraire et le passage incontournable, en tenant compte des réalités aussi de la tournée, c'est-à-dire faire des itinéraires tenables, même si certaines étapes étaient particulièrement costauds. Ça, c'est ce que je garde aussi. J'aurais envie presque de répondre à une question qui m'a été souvent posée, qui était, mais comment vous avez construit les itinéraires ? À partir de quels critères ? Comment ça s'est fait ? Et là, du coup, ça me permet de parler de vous, les lieux d'accueil. Alors, la première contrainte, c'était effectivement des choses très techniques, point de départ, point d'arrivée, la matérialité de la chose. Et puis, ce qu'on a cherché à faire dans ces itinéraires et dans le choix des lieux, c'était quelque part de continuer des partenariats initiés. On a un peu surfé sur des projets aussi, des expériences artistiques et culturelles qu'on avait menées avec certaines communes notamment. Alors, je reprends mon papier pour n'oublier personne, mais je pense particulièrement à Fraisse, à Liézé, à Aubure, à Cornillon, qui avait par exemple accueilli des résidences Mon village et l'artiste un an avant, deux ans avant ou trois ans avant. C'était dans l'idée de proposer aussi une suite. Je pense aussi à Oxello, évidemment, la commune et le centre culturel avec lesquels on a de nombreuses occasions de collaborer au niveau du parc. Je pense au Valtin, où on avait également soutenu un parcours Land Art, donc c'était dans cette continuité. Tannenkirch aussi, de manière un peu plus ancienne. Le deuxième facteur, c'est qu'on a pu être demandé suite à la première expérience. Par exemple, le musée départemental a dit « Ah non, mais là, nous, absolument, l'année prochaine, on veut accueillir. » Et puis, un autre critère aussi, finalement, c'était de travailler avec des acteurs culturels professionnels. Je pense à chez Narcisse, je pense au foyer rural à Lufos, qui est une association, mais qui a vraiment une activité très régulière de programmation culturelle. Je pense au collectif des possibles et je pense à la compagnie du Plateau Libre, qui sont des acteurs qui œuvrent dans leur vallée, dans leur territoire, sur la question du développement culturel. Et finalement, les associer à ce projet, c'est quelque part aussi contribuer à leur développement. Et puis, on a aussi exploré des nouveaux partenariats. Je pense au centre de village vacances à Ramonchamp. C'était des expériences aussi intéressante. À Orbeil-le-Bois, bon, on n'a pas pu se faire à cause de la neige, mais c'était aussi l'idée d'explorer un nouveau type de partenariat. Et puis, dernier critère, on a dans les itinéraires tenté de faire découvrir le maximum des richesses du patrimoine naturel et culturel. Donc, on a par exemple fait une petite incartade du côté de la colline Notre-Dame-du-Haut pour faire découvrir ce site à Simon et à tant qu'à des projets. Certains cols ou certains sommets étaient juste incontournables. Je pense au Val d'Alsace, j'ai vu qu'il y avait le 4 de Belfort. Je pense au Honeck, ok, sous, oui, même s'il n'y a pas eu. Mais c'était ça aussi l'idée. Et enfin, il y a une réflexion moi, qui me vient sur l'ensemble de l'expérience des 4 ans. C'est qu'en fait, tout le temps de préparation, le temps de repérage, le temps de montage, c'est déjà le temps du projet, au-delà de la représentation. C'est aussi ça qui fait l'intérêt du projet. Et de savoir qui s'occupe du pot, qui s'occupe de la billetterie, qui s'occupe de l'accueil et qui va héberger, eh bien, finalement, c'est déjà là où les liens se créent et permettent d'assurer, un accueil de qualité. Le fait de trouver des hébergements aussi, voilà. Et au final, moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est la question de fédérer. C'est-à-dire qu'au parc, c'est souvent un mot qu'on a, fédérer. Et en fait, sur 4 ans, ce qui se passe, c'est que même s'il n'y a pas eu d'unité, un seul lieu, un seul endroit, et... finalement, sur 4 ans, on a réussi à fédérer un certain nombre d'acteurs et je pense que ça vient du fait de ce projet qui avait vraiment sens et qui prenait et qui résonnait particulièrement auprès de chacun des partenaires associés. C'est-à-dire que le fil conducteur est tellement solide qu'on arrive à embarquer et à fédérer sur la durée. Voilà. Et puis ben, je termine avec évidemment un grand merci à toute l'équipe du Théâtre du Peuple, voilà, de la, du travail en collaboration sur ces années, et qui ne va pas se terminer, hein, évidemment. Et la suite pour de prochaines aventures, j'espère. Merci. Moi, j'ai pas de papier, donc je vais essayer d'être, d'être organisé dans ma tête. Donc, tout simplement, donc, derrière, vous avez un petit diaporama, hein, comme vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu en même temps, mais on a choisi une petite sélection d'images comme ça qui retracent notre épopée pendant ces quatre années. Alors, il n'y a pas évidemment toutes les communes, mais il y a quelques communes et quelques éléments. Et puis je tenais à ce que soit présent sur scène cette trace concrète. Alors ça fait un peu cérémonie posthume de moi-même, mais ça j'assume complètement, de voir ces petites chaussures sans le corps qui disait le 20 janvier, l'Aisne traversa la montagne. Phrase qui a été, je pense, la plus entendue au cours de ces quatre années dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Je pense qu'il y a des arbres qui ont encore les branches qui résonnent de cette phrase que j'ai beaucoup, beaucoup dit à voix haute toute la journée, et beaucoup dans les salles, et beaucoup jusqu'à satiété. Ce que je voudrais dire vraiment en termes d'introduction, et je ne le dis pas du point de vue du Théâtre du Peuple, mais du point de vue de la réussite globale du projet, c'est que ce projet, l'Aisne, une marche à travers les Vosges, il est vraiment exemplaire en termes de co-construction d'un projet artistique sur un territoire. C'est-à-dire que sur la question notamment de la décentralisation, alors évidemment il y a la décentralisation de Paris vers les régions, mais là on est dans la décentralisation de terrain la plus importante, celle qui vise aussi à renouer un dialogue entre les territoires à travers une proposition artistique, à travers des rencontres autour d'une œuvre d'art. Et c'est vrai que je vais raconter un tout petit peu la genèse de ce projet. Moi j'ai candidaté à la direction du Théâtre du Peuple en janvier 2016, donc ça date déjà un petit peu. C'est le recrutement le plus long de France, donc j'ai été nommé en septembre 2016. Il y avait 9 mois de recrutement avec des étapes successives. Et dans le dossier que j'ai écrit, il y avait un projet donc, de faire une tournée dans les villages avec le texte Ernst Büchner. Mais à aucun endroit de ce projet, je ne stipulais que je serais à pied. C'était une tournée très confortable que j'imaginais. Je venais en voiture et je jouais chez les gens. Et puis je me suis installé au mois de mai dans les Vosges, et l'été venant, j'ai découvert ce que je n'avais pas à ce point présupposé, à quel point c'était une terre de randonnée. Et c'est vrai que très vite a germé en moi l'idée d'aller dans cette idée de rendre ce projet un projet de marche, d'aller à pied de village en village. Alors au départ, un peu avec un fantasme romantique, parce que je suis un grand romantique, époque allemande, voilà, 18e, 19e siècle, on va dire plutôt 19e. Et donc je m'imaginais seul dans la montagne face aux éléments pour, tel un poème maudit, voilà, braver les Vosges et le soir jouer ce spectacle là où je pourrais le jouer. Bon, c'est vrai que c'est un projet qui en soi ne pouvait pas non plus fédérer beaucoup autour de moi. Et c'est vrai qu'en arrivant, on s'est rendu compte que le parc avait eu une histoire avec le Théâtre du Peuple, qu'il y avait eu des vraies aventures marquantes. Je pense notamment effectivement à vivre une aventure théâtrale, que régulièrement, les gens que j'ai rencontrés ont évoqué dans les communes qui y avaient participé. Et donc ce premier rendez-vous que tu évoques, Violaine, effectivement à Gérardmer, on ne savait pas trop, on se disait bon, on va proposer ça au parc. Et en fait, c'est vrai que ça a été comme une sorte d'évidence, et je dirais que je te dois, Violaine, d'avoir, je dirais, été encore plus loin que moi dans l'imagination, la construction de ce projet sur l'idée qu'il faudrait que des gens marchent avec moi, qui est une idée qui est venue de toi, puisque moi j'avais vraiment imaginé cette chose, encore une fois, comme une solitude un peu auto-flagellée pour souffrir dans mon corps, pour arriver chargé le soir. Et en fait, Violette m'a ouvert aux autres, et donc m'a fait plutôt revoir l'idée que ce serait l'occasion de rencontrer les gens qui vivent sur ce territoire, de se mettre au même niveau grâce à la marche, puisque la marche est quand même un grand effaceur de toute connotation sociale. Enfin, je dis, voilà, moi je dis souvent qu'on est tous en quechua, ou alors on débarque un tout petit peu plus spécialisé si on fait beaucoup de marches, mais en tout cas on est tous habillés pareil. Laurent Seguin était en chant, ça je n'oublierai jamais. accueillis par le président des parcs Longchamp, qui disait bon, ben là, on va marcher. Et effectivement, c'était la journée où on a le plus marché, puisque c'était 30 km. Donc, c'était bien qu'on ne joue pas le soir, d'ailleurs, parce que c'était la pire journée d'effort physique. Mais on avait été très bien accueillis après dans la mairie, avec, avec la convivialité qui sied aussi à ce projet. Mais en tout cas, c'est vrai que le parc a apporté toute cette dimension de rencontre, de fraternité, de co-construction. Donc c'est très important parce qu'en fait, sans ça, je pense qu'on ne serait pas allé bien loin. Nous, le Théâtre du Peuple, tout seul, il y aurait eu un effet aussi un peu... on arrive, on a un projet, et puis voilà, on veut venir jouer dans votre village. Alors qu'en fait, là, on l'a pris dans l'autre sens, et on a essayé de faire en sorte que ce projet vous appartienne autant qu'à nous, et que vous soyez aussi fiers, quand ça arrivait le soir, d'être en mesure de vous occuper de la billetterie, d'avoir accueilli Nicolas la journée pour décharger le camion avec lui, de vous occuper de nous trouver l'hébergement. C'est-à-dire que moi, ce qui a été aussi formidable pendant ces 4 années, c'est que je ne me suis jamais posé la question, même si je ne savais jamais où je dormais le soir. Je découvrais, enfin je le savais, mais je voulais le voir exactement. Donc j'ai eu des surprises. Hein. J'ai dormi dans des refuges, dans des cabanes dans les bois, chez l'habitant. Enfin, c'est que des souvenirs extraordinaires aussi. Et je remercie celles et ceux qui sont là aussi aujourd'hui. Parce que quand on dormait chez l'habitant, en général, il y avait aussi un goûter. Hein. Ça peut paraître un peu anecdotique comme ça, mais quand on joue le soir et qu'on avait marché, au sortir d'une bonne douche, de pouvoir partager un moment aussi chez les gens, ça a beaucoup participé à la chaleur humaine de ce projet. Donc quand je disais que c'est exemplaire, c'est aussi parce que le parc s'est engagé, et Violaine particulièrement, pour nous, j'ai souvent dit que tu avais été une collaboratrice de ce projet, alors je ne dis pas trop parce que le directeur du parc est là, mais tu as effectivement beaucoup travaillé à nos côtés, tout en faisant tout ce que tu avais à faire de l'autre côté, évidemment. Mais c'est vrai que sans ton engagement et sans ta passion et sans aussi ce qui fait ta qualité, c'est-à-dire que partout où on est allé, en fait, tu étais déjà, toi, inscrite dans ces territoires. Enfin, on le voyait quand on faisait des rencontres d'après le spectacle, il y avait toujours un lien qui était déjà préétabli. Et en fait, tu nous as offert aussi de partager ce lien que le parc, grâce à toi et aux autres personnes du parc, a construit. Donc, on était aussi dans une famille, donc cette famille du parc. Et ça, je trouve que pour un projet artistique, quand je dis que c'est exemplaire, c'est que ça devrait presque s'exporter dans d'autres régions. Et donner des idées, en tout cas à d'autres artistes, de travailler davantage avec les parcs naturels régionaux, parce qu'en fait, c'est des forces vives territoriales, et en plus, avec cette qualité de respect de la nature, de dialogue sur l'écologie, sur toutes ces dimensions aussi, sur la ruralité. Et je trouve que, en tout cas, en tant qu'artiste, ça redonne du sens à mon travail, puisque on est au terrain, sur le terrain, à la rencontre des habitants et des habitants, et ça redonne du sens aussi, en fait, à ce qu'on fait. Quelque part, moi, je me suis senti en mission, mais pas en mission forcée, hein, en mission vraiment voulue et passionnante. Et ça, c'est ce que je vais retenir. Et je voudrais vraiment remercier, évidemment, Olivier Claude, aussi le directeur du parc, d'avoir soutenu ce projet. Et Loris, qui ont été aussi vraiment presque des roues de secours incroyables sur les tracés des cartes et le parcours, chaque année, de réfléchir à la meilleure manière de traverser les parcours souhaités, puisque donc le projet, c'était de traverser le parc dans ses directions cardinales, donc la première année vers le nord. Alors là, on a un peu triché pour que voilà, ça se coordonne au mieux, mais on a fait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc le nord, la première année, et ça, c'était inscrit dans mon projet pour Busan, c'était l'idée de jouer à Waldersbach. Donc là où Lenz est venu lui-même chez le pasteur Oberlin, vous avez d'ailleurs une photo du buste d'Oberlin, à un moment donné que nous encadrons avec Nicolas, qui était le dernier jour où on avait joué à Waldersbach. Il y a une photo aussi où on voit l'installation dans l'église de Waldersbach, où Lenz avait prêché lui-même. Et donc je m'étais offert une expérience un peu mystique, puisque j'avais joué la scène du prêche en montant à la chaire dans l'église avec le rayon de soleil et puis en face le médaillon avec écrit Oberlin. Donc ça faisait partie des choses que j'oublierai jamais, puisque j'étais au cœur de cette histoire dans un rapport très... pour le coup, on n'était plus dans la fiction, on était vraiment dans une expérience presque mystique. Alors j'ai vécu beaucoup de choses mystiques hein, pendant ces 4 ans, je tiens à le dire quand même. J'avoue que seul dans la forêt, dans la montagne, c'est pas anodin. Donc j'ai entendu des voix, j'ai été suivi par un certain nombre de personnes et de créatures qui n'étaient jamais là, mais qui étaient... Enfin, j'avais toujours l'impression qu'ils étaient là. Voilà, autre expérience mystique. Enfin, ça, c'est moins mystique, c'est plus voilà, les avions de chasse. Il y a eu aussi des moments magiques, comme certains soirs où, quand j'évoquais les cloches lointaines dans le texte, tout d'un coup, ces cloches résonnaient à ce moment précis dans les villages. Donc ça, c'est des moments où tout d'un coup, on a l'impression d'être en état de grâce, puisqu'on voit effectivement toute la salle qui elle-même a ce petit frisson qui arrive, parce que voilà, il y a une sorte de réunion comme ça dans l'univers, les planètes s'alignent et on est à l'aune de tout ça. Donc ça, évidemment, il y a eu des expériences assez inoubliables, des rencontres avec des chamois, alors soit de manière solitaire, ou des chamois géants que on avait, je vois parce que vous êtes, il y en a certains qui sont là quand on allait à Ufolds. On avait vu un chamois de la taille d'une vache, ce que je n'avais jamais vu en tout cas sur un sentier. Donc j'étais content de ne pas être seul ce jour-là d'ailleurs, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait trop le malin dans la forêt tout seul. J'ai évidemment souvent perdu ma carte, jusqu'à la dernière année où là c'était vraiment assez catastrophique, puisque je me dirigeais vers le... Enfin, je revenais du Homec justement. Et donc il a fallu en urgence me donner une nouvelle carte, et donc c'est là où les services du parc ont été absolument magnifiques, puisque cette carte avait la fâcheuse et la belle habitude de réunir plusieurs jours de marche. Donc forcément, si je la perdais, je perdais les trois jours qui suivaient. Et effectivement, j'étais content d'avoir retrouvé, puisque les trois jours qui suivaient étaient un peu entre le hors-piste et le petit sentier. En revanche, je peux quand même dire que, à part du côté des mille étangs, où un temps on l'avait annoncé, puisqu'il n'y a pas le club vosgien qui balise les sentiers, et qu'on est sur des territoires souvent privés, donc il faut connaître pour pouvoir se déplacer, et donc j'avais un guide hors pair ce jour-là. C'est vrai que d'une manière générale, il y a quand même un tracé de ces sentiers qui est absolument incroyable, et qu'avec une bonne carte, finalement, on peut vivre une expérience solitaire sans grand risque, mais ça reste la montagne, ça reste dangereux, et j'ai régulièrement, on évoquait les 18 000 mètres de dénivelé, et c'est vrai qu'il y a des jours où, effectivement, j'avais l'impression d'être dans la haute montagne, même si, effectivement, j'étais dans les Vosges, mais il y avait quand même des sentiers assez escarpés, assez pentus. Et donc, j'ai traversé ce paysage, et j'avoue que c'est quelque chose qui va rester à jamais gravé en moi. Je le dis, d'ailleurs, sans exagérer, je le dis d'ailleurs à l'Association du Théâtre du Peuple, que pour moi, cette expérience de l'Est, c'est vraiment l'expérience la plus marquante que j'aurais pu vivre à Bussan. Alors, je parle déjà, je suis antérieur, j'aurais pu vivre, je suis plus très bien, même si je suis encore là peut-être pour quelques années. Mais je dirais que cette expérience-là était plus forte que faire un spectacle sur ce grand plateau, aussi mythique soit-il. Quelque part, des spectacles, j'en fais plusieurs, et du coup, effectivement, même sur ce plateau. Mais cette expérience, l'Est, chaque année, a apporté son lot de paysages nouveaux, de rencontres nouvelles, et même le spectacle a été totalement, je dirais, traversé par ce que j'ai vécu, par la fatigue. Je me souviens très bien, par exemple, le soir où je devais jouer au Valtin. Alors j'ai joué au Valtin, mais je ne sais pas encore comment j'ai fait pour jouer ce jour-là, puisque j'étais dans la sacristie, puisque ça c'était souvent, j'ai découvert des nouvelles loges, ça faisait partie des petits bonheurs de cette tournée, donc j'ai régulièrement été côtoyé des soutanes, pour me préparer à m'habiller en randonneur de l'époque de Lens. Et c'est vrai qu'au soir du Valtin, c'était la première année, donc on enchaînait aussi les jours de randonnée de représentation. On a eu la bonne idée la deuxième année de décaler les jours de représentation, de marcher plus et de jouer un jour sur deux. Et c'est vrai que les fruits secs, ça marche. Hein. Enfin, je suis mangé un kilo de raisin pour pouvoir être en état de jouer ce spectacle. Et je pense qu'entre la première représentation qui a eu lieu ici à Bussan et la dernière qu'on a fait au Val-d'Ajole, je pense que ce n'était pas le même spectacle. En tout cas, de mon point de vue, à l'intérieur, ce n'était plus le même spectacle. C'était beaucoup plus vivant, beaucoup plus, je pense, même léger. Je pense que ceux qui l'ont vu la première année, c'était encore une espèce de roc un peu rectiligne, un peu comme la découpe de la montagne. C'était aride, c'était... voilà, j'étais dans un état second de me mettre au service de ce texte un peu à la fois poétique et exigeant. Et progressivement, je pense que je me suis aussi détendu. C'est vrai que la première année, je n'étais pas tout à fait détendu. Et je n'ai pas forcément pu profiter d'ailleurs de la marche, puisque j'étais toujours dans l'obsession d'arriver à temps pour être en état de jouer le soir. Donc c'est vrai que ça a été une marche aussi pendant ces 4 ans assez singulière, puisqu'il y avait toujours l'enjeu de être prêt quand même le soir à l'heure. Donc je disais toujours, enfin, à chaque fois je vous disais, il faut être prêt à la salle. Quand les pique-niques s'éternisaient un petit peu, je me rappelais, il faut que je... faut que je sois là 15 heures au plus tard pour retrouver Nicolas, faire les raccords. Donc ça, je dirais que ça a été la partie effectivement non artistique, parce que juste pour vous rappeler en fait la construction du spectacle, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, ce qui a été singulier aussi, c'est que c'est un spectacle que j'ai répété tout seul pendant un mois. Donc, pendant un mois, je me suis enfermé dans la petite salle qui est à la Popote, au bout de la rue à Busson. J'allais marcher le matin et j'enchaînais par... je me mettais dans la salle pour essayer déjà d'apprendre le texte. Je vous assure que, parce qu'on m'a souvent posé la question, mais comment vous faites? Donc je faisais le malin en disant, c'est mon métier. En fait, c'est un des textes les plus durs à apprendre, je pense, de tous les textes que j'ai appris. Et c'était une page par jour. C'est-à-dire que je luttais avec ce texte en permanence. Vraiment, c'était un bloc, j'arrivais pas à le mettre encore. Donc c'est en marchant aussi que ce texte est rentré en moi. Donc je me suis commencé à le dire à voix haute. Donc autour de Busson, là, c'est vrai que j'ai pas mal sillonné les sentiers pour m'entraîner. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai fait venir un camarade comédien, Tony Poupard, qui est associé au projet du Théâtre du Peuple, que vous verrez cet été sur la scène dans Hamlet. Et il est venu juste me faire des retours. Donc je lui ai fait une fois ce que j'avais construit tout seul, avec une petite montagne, voilà, dans la Popote. Et puis il m'a fait des retours, qui d'ailleurs, je pense qu'il aurait été heureux de voir la dernière représentation, qui je pense ressemblait plus au retour qu'il m'avait fait à l'époque, il y a 4 ans, mais il fallait le temps que je le digère. Et donc Anthony, voilà, je voulais aussi le saluer aujourd'hui. Et pendant 4 jours ensuite sont venus donc Sylvain Tardy, créateur lumière, Nicolas l'Espagnol Rizzi, créateur son, Marie-Frédérique Fillon, costumière, et donc Nicolas Hainaut, qui m'a accompagné, que je tiens ici vraiment à remercier et à saluer chaleureusement, puisque ça a été un vrai binôme d'expérience pendant ces 4 années. Je pense qu'on peut le dire, qu'on a vécu quelque chose d'assez inoubliable, à la fois seul et à deux, puisque pendant que je marchais, Nicolas, lui, eh bien, montait le décor, découvrait d'autres personnes, allait chercher les clés d'Égypte. C'était un peu mon ange gardien, parce que c'est lui qui préparait tout pour que je sois aussi en état de jouer le soir. Donc je pense que c'est une aventure qui nous a unis à jamais dans cette expérience, même si on se connaissait déjà pas mal, puisqu'on travaillait en compagnie avant Busson. On n'avait jamais vécu quelque chose comme ça en binôme, aussi intense et aussi atypique. Donc Nicolas était là, puisque Nicolas a assuré une régie lumière, une régie son et une régie plateau à lui tout seul. Donc c'était aussi pour une vraie prouesse. Donc il avait 2 doigts. Il y avait un doigt pour la lumière, un doigt pour le son, donc il ne fallait pas se tromper. Et je pense que voilà, jusqu'au bout, il suivait le texte et il faisait des retours. Quant à la fin, c'est vrai que je dois avouer que je commençais à dire un peu n'importe quoi sur la dernière tournée. Et bon, voilà, ça c'est pas forcément beaucoup vu, mais j'ai un peu réinventé du texte. Donc Nicolas était ma petite vigilance intérieure. Donc voilà, simplement pour rappeler que ce spectacle que vous avez vu, on l'a fait en 4 jours. Donc c'était aussi un pari artistique, et c'est pour ça que j'étais assez nerveux au début, parce que j'étais très fragile sur le spectacle, avec en plus le côté indécis. J'ignorais si mon corps serait apte à supporter un effort physique aussi long et aussi intense, donc pour le coup ça va. Je regrette presque là maintenant, parce que ça me donnait une certaine hygiène de vie, ce qui était intéressante. Chaque année, je disais, bon, c'est, il faut que je me remette à l'aise, donc je courais, je fais du vélo. Bon, là, maintenant, je vais devenir une espèce de pâte molle, comme ça, qui va se répandre du sang. Il viendra me voir, mais oui, Simon, une espèce de chose qui est dans le coin. Donc, il faudra vite que je refasse un projet où, je sais pas, je parte à dos de mulet, on va trouver une chose un peu qui soit une analogie à cette expérience. En tout cas, voilà, c'est simplement pour vous rappeler aussi la dimension artistique. Après, évidemment, ça a été pour moi presque un honneur de pouvoir porter cette parole, parce qu'on dit souvent que c'est important d'aller au contact des villages en ne prenant pas les gens pour des imbéciles. Je dis ça avec beaucoup d'amour, parce qu'en fait, il y a souvent un a priori, comme s'il fallait toujours se dire « il faut que ce soit forcément rigolo, on va aller faire du clown, on va aller faire des... » Alors évidemment, il faut qu'il y ait du clown, il faut qu'il y ait des spectacles drôles et des choses légères, mais je trouve ça important qu'on continue aussi à défendre la poésie, à défendre des expériences qui racontent, qui nous parlent aussi de notre rapport à la nature, de notre rapport au monde, de notre rapport aussi à l'âme, puisque dans l'Aïs, il est beaucoup question aussi d'une âme et de son rapport à la maladie, à la nature et à la poésie. Donc pour moi, c'était aussi un vrai pari de proposer ce texte-là. Souvent, quand je disais qu'à l'extérieur, dans d'autres régions, que c'était ce texte-là et cette traduction particulièrement de George Arthur Goldschmidt que je proposais. On me disait, oulala, mais ça va. Je disais, ben voilà, je dis souvent au début, en plus je suis immobile, donc je sens qu'il y a des oreilles qui grandissent dans la salle. Et donc c'est cette partie-là que j'ai un petit peu assouplie au fil du temps. Je vais plus vite, donc ça passe mieux. Mais c'est vrai que là, je suis assez fier de ça, d'avoir réussi à apporter cette parole poétique jusqu'au bout. Donc, d'avoir laissé cette trace, enfin, pour moi, là, on a laissé une trace dans le parc aussi, avec cette expérience. On en parlait une fois lors d'une réunion, et c'est vrai que cette idée m'a à la fois fait sourire, en même temps m'a ému, d'imaginer, de proposer le parcours Let's à des gens qui viendraient aussi demander des idées randonnées, tout d'un coup, que ce parcours qu'on a construit ensemble, au service d'une œuvre d'art, puisse devenir aussi un parcours en soi, qui soit un parcours touristique, que les gens puissent faire, je trouve que faire en famille, enfin voilà, c'est quelque chose qui donne aussi du sens à l'aboutissement de ce projet. Et donc je disais tout à l'heure que grâce en fait au parc, moi je suis passé de d'un projet solitaire à un projet fraternel. Et donc c'est pour moi tout le sens aussi de ce partenariat avec vous, c'est d'avoir pu ouvrir à une humanité qui est inscrite ici évidemment au fronton de la Seine par l'art pour l'humanité. Et avec ce projet, j'ai l'impression que c'est cette devise qu'on a mis en marche aussi. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas circonscrite au Théâtre du Peuple, mais on a fait en sorte que cette chose-là, en allant au contact des habitantes et des habitants, puisse poursuivre l'élan du fondateur Maurice Potcher. Donc ça, voilà, pour moi, c'est une vraie réussite, et je le dis, je ne dis pas que c'est une réussite personnelle, je dis que c'est une réussite avec vous toutes et tous, qui avez accepté aussi, parce que c'est des retours que j'ai eu aussi parfois, de marcher avec un comédien, ce qui parfois, quand la proposition a été faite, n'était pas évidente pour tout le monde. Il y en a même qui m'ont avoué, qu'on voit dans le reportage, mais qu'est-ce que je vais lui dire pendant toute une journée? Parce que moi, les comédiens, je ne connais rien, je ne sais pas. Et en même temps, très vite, bon, bah, j'étais un être humain comme les autres. Et donc, c'était d'ailleurs, moi, j'ai davantage écouté que je n'ai parlé lors de ces marches. Et c'est ça qui était intéressant. Alors parfois, j'avais une capacité d'écoute qui arrivait à un certain stade, et je pense que vous êtes tous rendu compte parfois que je devenais un peu silencieux, que je me mettais plus à parler intérieurement aux arbres, mais parce qu'il y avait aussi la préparation du soir où je me faisais le texte. Mais c'est vrai que ça a permis aussi de dépasser des a priori sur, je dirais, voilà, les artistes. Enfin, justement, là, vous disiez tous les deux, vous étiez surpris par la hauteur de cette scène, mais je crois que ça participe aussi de cette espèce souvent de fossé qui peut exister, alors pas forcément à Busson, où c'est un lieu où on a la chance après de pouvoir discuter avec les artistes à la sortie. Il y a une tradition ici aussi de partager les choses. Et souvent, effectivement, les artistes sont auteurs, font quelque chose et disparaissent. Donc on est toujours en dessous à se dire « Oh bravo, c'est formidable, merci d'être venu » et les gens repartent. Là, il y avait quand même l'idée qu'on était au même niveau. Et la marche, pour ça, était vraiment un vecteur inattendu et vraiment marquant pour cette expérience. Voilà. Donc merci encore une fois à toutes et tous. Et puis voilà, vous dire simplement que en vivant cette expérience, ça m'a donné envie de développer de nouvelles choses. Notamment, je le disais à Laurent Seguin, lorsqu'on a traversé le plateau des Mille Étangs, c'est un territoire que j'ai découvert, dont j'ignorais l'existence avant de venir dans les Vosges, et qui est vraiment très très proche d'ici. C'est-à-dire que si on oublie la réécriture administrative du découpage des régions, finalement on est plus proche des Mille Étangs quand même que de la Champagne-Ardenne, donc en soi, on se sent un buisson plus proche aussi, en passant ce col ici, de se retrouver derrière. Et donc, j'ai été missionné par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté pour rêver un projet de territoire. Donc j'ai choisi que ça se passe dans la communauté de communes des Mille Étangs pendant 3 ans. Alors je vais pas partir tout seul, je vais d'ailleurs être un peu, je vais dépersonnaliser un peu ce projet. Mais on est venu déjà à Écromanie au mois de février, jouer le spectacle que j'avais créé ici, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, pour rencontrer les habitantes et les habitants. Et on va faire un grand travail sur 3 ans de récolte de paroles d'habitants, d'ateliers d'écriture, d'ateliers musicaux, avec le groupe Ferguson et Julien Gaillard, qui est associé au projet du Théâtre du Peuple, qui est auteur. L'idée, c'est d'aboutir dans 3 ans à un grand spectacle au bord de l'étang qui appartient à la communauté de communes, dans lequel j'aimerais que jouent des habitantes et des habitants, les gens qui vont participer à ces ateliers. Encore un projet qui va être co-construit. Et puis un autre projet aussi qu'on est en train de mener, auquel j'aimerais associer aussi le parc, avec les troupes amateurs. On a eu cette envie de travailler davantage avec les troupes, puisque c'est vrai que dans cette tournée Let's, j'ai rencontré des troupes qui ont été toujours accueillantes, et c'était intéressant pour moi aussi de découvrir leurs esthétiques. On voit justement dialoguer avec Dédé dans le documentaire, avec les fraises en l'air notamment, ou à Aubure aussi avec les sacs à puces. Et c'est vrai que ça a été pour moi des rencontres marquantes, puisque c'était, on parlait, on échangeait autour de nos pratiques, et donc ça m'a donné envie de poursuivre cette chose-là, en confiant à Jean-Yves Ruff, qui est un metteur en scène à Belfortin, qui est dans le Grand Est, donc qui est venu ici au Théâtre du Peuple en 2019, de faire des rencontres comme ça avec des troupes de la région, pour essayer de se rencontrer mieux, d'aller voir comment ces troupes travaillent dans leur salle, et en même temps de les faire venir ici. Donc il n'y a pas de finalité artistique, je dirais, de spectacle ou autre, mais c'est un vrai échange, de faire en sorte aussi que ces troupes se rencontrent entre elles, et que, voilà, je sais que dans le parc, vous êtes aussi très... très vigilant à faire aussi cohabiter ces troupes des différentes communes. Donc je pense que c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir aussi travailler ensemble. Voilà. Je tousse encore dans mon coude parce que fais attention. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, donc maintenant on va vous donner la parole. Donc, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Alors, sentez-vous libre, évidemment, c'est un moment totalement informel, mais si vous avez des choses à partager, des questions à poser, ou des retours d'expérience. Donc il y a Alban, notre régisseur du Théâtre du Peuple, qui est là avec un micro. Donc faites-lui signe, et voilà, qu'on puisse échanger ensemble si vous le souhaitez. Alors si on a cassé des choses chez vous, ou si vous avez des doléances, c'est maintenant. A priori, on a été très sage et très propre. On était trop fatigués de toute façon pour faire des soirées après le spectacle. Je suis impressionné par la quantité de pluie qui peut tomber pendant les 4 années que tu as poursuivi ton parcours. Il pleut tout le temps. C'est vrai. C'est vrai en plus. C'est vraiment le temps rougien. C'est ça. Et de la neige aussi. Et jusqu'au bout, puisqu'il y a aussi la présentation du Val d'Ajol. C'est la dernière journée cette année, elle était particulièrement humide. Mais en même temps, voilà, c'est une réalité locale, il faut faire avec. Et c'est vrai qu'on a rarement pu faire ce projet l'été, pour des raisons évidentes, puisque je suis occupé à ce moment-là. Mais c'est vrai que le printemps était encore bien hivernal. Bonjour, je m'appelle Grégoire. Je suis un habitué du Théâtre du Peuple. Et lorsque j'ai lu ce petit fascicule il y a 23 ans, j'ai été très attiré par ces programmes qui me paraissaient très... très intéressant et très en bref. Et donc je suis venu vous voir dans 3 départements différents, volontairement, pour voir comment vous interprétiez en fonction du public et des lieux. Gloops. Comment? Gloops. Gloops. Un peu fun, quoi. Et dans le petit église, par exemple, de Château-Lambert, entre autres. Et pour voir un petit peu le comportement du public, mais aussi votre jeu. Et je tenais à, c'est un témoignage, tout simplement, je tenais à vous dire que je vous félicite parce que vraiment, effectivement, c'était un monologue et je me suis souvent demandé comment vous aviez pu répéter ou réviser ce texte et vous venez d'avouer que vous avez eu beaucoup de mal. Et je me doutais parce que c'était quand même assez impressionnant. Voilà, félicitations. Merci, merci monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la différence entre votre première représentation, Traversin, première. Alors c'était à Busson, en tout cas la toute première était à Busson, et ensuite la première en ayant marché, c'était Traversin. D'accord, et la dernière, donc chez Narcisse, au Val d'Ajol. Vous nous avez parlé d'évolution, je crois. Oui, tout à fait. Déjà, il y a une évolution du système nerveux. Je pense que la première, j'étais vraiment en état de catalepsie. Enfin, je pense que j'étais dans un état second avant de jouer. En tout cas, à travers ça, je me souviens très bien. Enfin, j'étais mort de trac. Enfin, là, il faut vraiment le dire. C'est-à-dire que je pense que j'avais autant de trac sur un projet que sur celui-là. Il y a la solitude, hein, qui est une chose très particulière au théâtre. C'est-à-dire qu'on vient seul se présenter. Et puis surtout, on est seul avec le texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un partenaire qui peut nous sauver si tout d'un coup, on a une espèce de... de blanc, de trou, ça arrive, ça m'est arrivé sur ce texte. Alors Nicolas était là, mais il ne pouvait pas non plus me souffler depuis le fond de la salle. Mais en tout cas, je sais que la première, je pense qu'il y a une différence déjà de chronomètre. pense qu'entre la première et la dernière, alors on était toujours à peu près à la même durée, mais je pense qu'il y avait bien 5 minutes d'écart entre la première et la dernière. Je pense que celle de la première à Bussan, je pense l'avoir joué assez toniquement, assez rapidement, assez tendu, hein, disons-le. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de respiration, pas beaucoup de silence. Et c'est vrai que c'est un texte quand même qui parle du silence, parce qu'à la fin, il dit qu'on n'entendait rien, cette voix effroyable qui crie partout à l'horizon et qu'on appelle le silence. Donc c'est vrai que ces silences-là, je me suis permis de les faire naître au fur et à mesure. Et de leur faire confiance aussi, parce qu'il y avait cette peur, j'avais aussi cette peur de ne pas arriver à capter l'attention du public. Parce que je me disais, bon, je suis seul, normalement, les gens vont se dire, bon, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc évidemment, la scénographie se déployait, donc je pense que ça va renouveler un petit peu l'attention. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la force de ce texte-là, c'est que comme les paysages évoquaient des paysages dans lesquels vous vivez, des sensations que vous avez toutes et tous pu éprouver quand il y a cette vapeur qui sort des sapins, cette odeur, c'est des choses qui font partie de votre vie de tous les jours. Donc je pense que c'est ça aussi qui a permis d'appeler les gens. Mais en tout cas, c'est vrai que je transpirais pas moins, si on parle de détails un peu techniques, quand même un spectacle qui me faisait beaucoup transpirer, même si ça ne se voyait pas trop. Mais c'est vrai que la dernière en Val d'Ajol, après, il y avait une émotion. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait deux émotions particulières. La première, parce qu'évidemment, il fallait se jeter, il fallait y aller, et puis à un moment donné, bah, on regarde ce qui se passe. Et puis c'était un peu un de mes premiers spectacles en tant que directeur du Théâtre du Peuple, puisqu'on était avant l'été. Donc j'avais présenté déjà un spectacle au Casino, qui était un spectacle un peu pointu, qui n'avait pas forcément sa place à Bussan, mais que je voulais quand même présenter. Et donc qui a pu être source un peu de malentendu sur mon arrivée. Et donc après, il y avait Lens, et c'est vrai que c'était la première fois que je me présentais au public. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ce qui a aussi fait la singularité de ce projet, c'était que le directeur lui-même du Théâtre du Peuple se déplace. C'est-à-dire que j'avais choisi de ne pas envoyer un comédien ou une comédienne faire ce travail-là, mais de m'y engager personnellement. Et c'était aussi ça qui permettait un autre rapport aux rencontres, puisque quelque part, quand je vous rencontrais, vous avez aussi cette sensation d'accueillir le directeur, ce qui n'est pas la même chose que d'accueillir un artiste qui viendrait simplement jouer un spectacle. C'est-à-dire que je savais que j'incarnais aussi cette institution, et vous saviez aussi que vous accueilliez à travers moi cette institution. Et finalement, pour moi, c'était important de m'engager aussi physiquement dans cette expérience-là, et de ne pas la laisser à quelqu'un d'autre. Parce que ça, pour moi, ça avait du sens de le vivre jusqu'au bout. Mais sinon, après, sur la représentation en elle-même, je pense que j'étais beaucoup plus respectueux, évidemment, du texte à la première qu'à la dernière, où je me souviens avoir fait, bon, je peux le dire, un peu n'importe quoi, mais dans le respect profond de la dramaturgie, évidemment, mais c'est vrai que la fatigue, pardon hein, pour les habitants du Val d'Ajol, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu d'improvisation, mais après tout, j'avais tellement vécu avec ce texte que finalement, je pouvais me permettre un peu de fantaisie, quoi. Devant. Oui, Vincent de Bonvif de l'association du théâtre. Donc, tu parlais aux arbres, voilà, toutes ces présences aussi dans la montagne. Duchner, c'était, si j'ai bien compris, bien avant le Théâtre du Peuple. Quelle relation entre Duchner et Potcher? Alors, dans un sens comme dans l'autre, je pense, en tout cas, si c'est ce que Potcher connaissait Buchner, ça, je n'en sais rien. Ça, j'avoue qu'il aurait fallu peut-être creuser un petit peu la recherche. Après, je dirais, ce qui a fait et ce qui a motivé aussi mon choix de faire jouer Buchner ici au Théâtre du Peuple, c'est que Buchner est venu au col de Bussan. Donc, Buchner, c'est 100 ans après Lenz, le vrai Lenz, qui vient chez Oberlin. Et donc il est à Strasbourg, il découvre les manuscrits du pasteur Oberlin dans lesquels il relate le passage de Lenz chez lui. Et donc Buchner en fait œuvre presque documentaire en prenant ce récit du pasteur Oberlin et simplement en y ajoutant sa vision personnelle de l'art. C'est-à-dire que tout le passage dans le spectacle où j'évoque la question de l'idéalisme, pardon, de l'idéalisme en art. Ça, c'est Buchner qui parle. C'est pas du tout le pasteur Oberlin ou Lenz. Donc en revanche, il est très fidèle avec le récit que fait le pasteur des différents épisodes quand Lenz va essayer de ressusciter cette jeune fille dans un village voisin. Il y a aussi des épisodes que je n'avais pas mis, je dirais presque de manière volontaire, puisque Lenz, à un moment donné, a attaqué au couteau la femme du pasteur Oberlin qui était enceinte. Donc un épisode un peu violent, et je ne voulais pas que ça transforme un tout petit peu la lecture du personnage, enfin, qu'on s'arrête uniquement à ça, et que ça masque en fait l'expérience psychique du personnage du héros. Et donc, Büchner est venu ici, et il a écrit une très belle lettre à ses parents à ce moment-là, où il décrit la vallée du sang depuis le col. Et donc, c'est en partant de cette description, je me dis, ben voilà, il y a un autre poète qui est venu donc, bien avant Boris Potcher. Boucher, on est à la fin 18e, fin 19e, donc on n'est pas le même, pardon, pour le 18e, Büchner, c'est début. Je suis amnésique, là, c'est 100 ans d'écart, donc Lenz, c'est 18e, Büchner, c'est 19e, pardon. Et donc on est bien avant Potcher, mais c'est la même, quelque part, c'est la même démarche. C'est-à-dire que tout à coup, c'est un paysage qui fait naître aussi une œuvre, qui fait naître l'envie de raconter quelque chose d'ici. Et c'est vrai que j'ignore si Maurice Potcher, en tant que poète, a une connaissance de l'œuvre de Büchner, parce qu'à l'époque, il s'agit de savoir qu'est-ce qui était édité en français, traduit. Ça, je l'ignore totalement. Mais en revanche, il y a ce même soin apporté à l'étude de la nature humaine. Büchner était scientifique. Alors, il est mort très jeune, Büchner, il est mort à 23 ans, mais ça n'empêche pas d'écrire parmi les pièces de théâtre les plus marquantes de l'histoire contemporaine, La mort de Danton, Wojtek, Léonce Helena, et donc Lenz, qui est une nouvelle, qui est beaucoup jouée au théâtre, mais quand même une nouvelle inachevée. Et il a écrit des mémoires scientifiques, notamment sur le système nerveux d'un poisson, le barbeau. Donc, il a vraiment été très loin sur l'étude du système nerveux, écrit d'autres écrits philosophiques. Enfin, ses œuvres complètes sont absolument fascinante, et il meurt à 23 ans. Donc du typhus, donc c'est un parcours absolument fulgurant, mais il y avait l'envie de mettre sur scène les vrais gens. Et c'est ça qui peut le rapprocher de Boris Potcher, c'est-à-dire que son credo artistique, c'était de dire que pour que l'art soit le plus réel possible, il faut prendre les gens tels qu'ils sont et les mettre au plateau sans y adjoindre quoi que ce soit. C'est ce qui est dit dans la nouvelle quand il rêve. Dans la montagne, il voit des jeunes filles et il aimerait être la tête de Méduse pour figer la scène et simplement faire venir des gens pour regarder comme si c'était un tableau naturel. Et Potcher, en faisant monter les gens du village sur scène, a eu aussi cette démarche. Après, c'est une démarche effectivement du théâtre français de cette époque-là, de montrer la vraie vie sur les plateaux. Mais finalement, Büchner a été aussi un précurseur de cette dynamique-là, en tout cas de cette envie de mettre l'art au service des gens. François Fabler de Ocello, je ne vais pas revenir sur l'Est, mais je vais revenir sur la politique du parc. J'ai siégé pendant longtemps au parc des Ballons, au bureau, et pendant longtemps on a cherché ce qui pouvait fédérer les territoires du parc. Et même si c'était que ça se passait dans un village ou ailleurs, il me semble que c'est le projet qui, de toute l'histoire que j'ai du parc avec moi, qui est le plus fédéré des communes du parc. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il me semble qu'à partir du moment où tu es passé, où on a rencontré Violaine, et on suivait les périples de Lenz, il me semble qu'on faisait vraiment partie là d'un territoire. Merci à vous. Merci. Oui, c'était juste à côté. Brigitte Herbert, j'ai travaillé avec Violaine au parc. Et juste dans la continuité de ce que dit François, c'est vrai que là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nous qui est. Bien sûr, les deux institutions, mais aussi un nous avec la nature, la marche et le texte super poétique. Je suis venue. Merci. Alors, je ne sais pas si ça se fait, mais je vais faire un message personnel à Brigitte, parce que voilà, ça, c'est l'héritage aussi de son travail, et c'est, ce n'est que la continuité. Voilà, merci Brigitte. Oui. Ah bah peut-être maintenant. Avant qu'Olivier prenne la parole, il faudrait quand même qu'il dise la même chose que ce que je vais dire. Alors, tu évoquais tout à l'heure, Simon, le fait que des personnes craignaient un petit peu finalement cette rencontre avec toi et de marcher avec toi sur les chemins, et de peur de ne pas savoir entretenir une conversation et tout ça. Bon, dans le sens où ça s'est fait, la marche avant le spectacle, ça s'est fait très naturellement parce qu'ils ont tout de suite découvert l'être humain, affable, sympathique, curieux, qui posait des questions. Et du coup, la glace a été très vite brisée, je pense, tout partout où tu es passé. Imagine que ce soit le contraire et que tu fasses déjà cette démonstration sur scène la veille de la marche avec les gens qui t'auraient vu sur scène. Moi, franchement, je t'ai découvert en marchant, très sympathique, mais ta prestation du lendemain soir, finalement, à Écromanie, moi, ça m'a vraiment impressionné, moi qui avais du mal d'apprendre les fabriques de La Fontaine et l'alcool. Quand j'ai entendu cette tirage, ce monologue très long, et puis tu cherchais absolument pas tes mots, moi j'étais vraiment impressionné, plus le jeu que tu avais. Donc heureusement que les choses se sont passées comme ça. Voilà. Oui, bonjour, Olivier Claude du Parc des Ballons. Donc, on a parlé là, du lien entre la nature, la marche, les hommes, et puis moi je regarde les photos depuis un moment, qui sont magnifiques. Hein. Bravo pour le photographe, bravo pour la sélection, ou les photographes, je ne sais pas. Surtout le plat de saucisse. Et voilà, surtout j'ai apprécié le plat de saucisse aussi. Ouais. Et je crois qu'il manque, il y a un dernier élément, bien sûr, les gens qui accueillent, et les lieux. Et quand on voit les photos, ça met en valeur aussi cette diversité des lieux d'accueil, de l'église, la salle des fêtes ou d'autres. Et je crois que ça révèle aussi cette richesse du territoire, de ces lieux où on se rencontre et qui ont tous une âme. Et puis sans doute que l'Aisne, c'est à chaque fois une autre façon de le découvrir. J'étais surpris à chaque fois les endroits où j'étais, de voir l'Aisne, c'est là. Et c'est incroyable, on vit le lieu différemment. Et je crois que ça nous permet aussi de garder ça pour la suite. On met en valeur la nature, on met en valeur les hommes, on met en valeur les textes, mais il y a aussi des lieux magiques dans chaque commune, et tout s'est réuni à un moment donné. Quoi. Donc ça, c'était assez fort aussi. Oui, c'est sûr que ce qui a été marquant pour Nicolas et moi aussi, c'est ça, c'est cette diversité des endroits où on a pu jouer. Alors en plus, je crois qu'à part une exception qui était Travexin, on avait vraiment un souci acoustique, mais qui était lié un peu, bah voilà, c'est immense, et puis en plus il y avait beaucoup de monde, et c'était les premières, donc c'était pas encore au top. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est les petites églises, bah, le Château Lambert, le Valtin, ou Liézé dernièrement, à chaque fois ça a été des vraies expériences particulières, parce que évidemment, jouer dans une salle des fêtes, quelle qu'en soit l'architecture, bon, c'est un lieu, on a l'habitude de venir voir des troupes, voilà. Une église, tout d'un coup, c'est autre chose. Et donc en plus, souvent, on ne pouvait pas mettre tout le décor. Donc notamment, c'était à Château Lambert, où il y avait quasiment, on ne pouvait rien bouger, donc on avait fait une installation derrière moi. Et en même temps, tout était, voilà, il y avait le cimetière autour de l'église, comme dans la nouvelle. Enfin, architecturalement, il y avait aussi énormément d'écho avec ce qui était dit dans le spectacle, sur la place, effectivement, des anciens aussi. Enfin, c'était toujours très troublant aussi, cette dimension-là. Et effectivement, c'est une richesse du parc, d'avoir aussi ces différents outils à disposition, puis on peut voir, on peut faire du théâtre partout. En tout cas, ça c'est aussi la preuve que c'est possible. Une question. Bonjour. Est-ce que vous imaginez une postérité, une suite à cette mise en scène, vous jouez par exemple ailleurs, ou à reprendre par quelqu'un ce spectacle, ou alors c'est vraiment bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant les 4 ans, il m'est arrivé de le jouer sans marcher, à la demande notamment de l'Université de Strasbourg. Et puis on l'avait joué l'été ici aussi à Bussan, pour qu'on puisse le présenter au public d'été. Et c'est vrai que bon, je crois que c'est un peu pour ça que j'ai mis les chaussures là sur scène, comme on raccroche les crampons. C'est vrai que j'ai un peu envie de le circonscrire à cette expérience. Après, à un moment donné, j'ai rêvé de le transmettre. Un plus jeune acteur, j'avais déjà quelqu'un en tête d'ailleurs avec qui j'avais travaillé, me dire bah, tiens, qui était aussi un marcheur, maintenant on va essayer de développer ça. Et j'avais à l'époque, donc ça c'était il y a 2 ans, j'avais essayé de contacter des théâtres qui sont du côté de la haute montagne, donc en Savoie et puis les Pyrénées. Et en fait, ça n'a pas accroché. Parce que, bon, après, ça c'est des histoires, chaque théâtre doit avoir son projet. Et donc, si ce n'était pas leur idée, forcément, c'était moins acceptable. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que ce Lens ici, bah, voilà, il aura vécu, puis il aura eu une belle vie aussi. Après, peut-être qu'un jour, je serai titillé par l'envie de le refaire, et peut-être que je le ferai autrement, ou peut-être que je le ferai faire par quelqu'un d'autre, dans un autre décor. Mais j'ai un peu l'impression que ces petites montagnes en bois qui ont été construites à Bussan, de l'autre côté de la Moselle, ben, voilà, elles vont rester ici, quelque part. Il y a aussi, elles ont fait leur trajet dans le parc, et je trouve ça assez beau de me dire que ça se clôt, enfin, d'où aussi cette cérémonie aujourd'hui, c'était histoire symboliquement de dire au revoir à ces chaussures. Ils sont pourtant très confortables. Enfin, j'ai pas marché avec elles, mais j'aurais pu. Mais en tout cas, voilà, de dire au revoir à ce projet-là. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on fasse un petit break de 5 minutes pour que vous puissiez vous réchauffer, puisque dehors il fait quand même beaucoup plus chaud qu'ici, et qu'on se retrouve ensuite pour regarder donc le documentaire qui avait été réalisé par Jérémy Cuvillier. Je vous en dirai un tout petit mot avant que ça démarre, et puis comme ça vous pourrez voir ou revoir ce que concrètement était ce projet. Voilà. Parce qu'en fait, on a considéré que j'avais pas assez marché. Donc voilà. Donc c'est un petit cadeau avec plusieurs choses, avec notamment pour confiner la marche. Voilà. Du parc et donc 30 balades dans le parc que on a fait à parcourir une par jour pour la première fois. C'était donc Lens avec le théâtre du peuple et avec le parc des ballons. Et maintenant, revenons à Darnieul, une deuxième séquence avec notre ami André Larivière, où vous découvrirez bien sûr toute sa pensée, ses anecdotes, ses nouvellettes et son talent et ses idées. Donc, deuxième partie de André Larivière. Là, on parlait, nous, de la chanson anglo-saxonne sur laquelle les Québécois ont toujours été plus branchés de par leur simple situation géographique qu'en d'autres, parce qu'un îlot francophone dans une mer anglophone, on y échappe pas. Puis donc, c'est une chanson, moi, en temps, c'est vraiment ma génération, c'est une nouvelle chanson de Paul McCartney, qui arrive à 80 ans et continue à faire un concert par 3-4 jours avec 250 000 personnes devant lui. Il n'y a même pas de tireur d'élite plus haut ou alentour pour tirer. Parce qu'il fait du bien à l'humanité depuis longtemps. Il n'y a pas besoin d'être protégé comme les politiciens à la merde. Quoi. Vous avez écrit un livre pour les petits-enfants? Non, je ne savais pas. C'est pas Vivian Submarine, c'est le Magic Submarine par Paul McCartney. Ah bon, ah bon. Il a écrit pour ses petits-enfants et tous les petits-enfants du monde. Génial. Par exemple, il a fait la voix pour une vidéo de PETA, qui est le plus grand groupe anglo-saxon qui se bat contre la maltraitance animale. Ah bon? Puis la vidéo est dure. Puis, ça me touche. C'est quoi? C'est Paul McCartney qui a fait ça? Paul McCartney qui fait la voix off sur la vidéo, qui est dure, qu'elle n'est pas très drôle à voir. Puis le titre de la vidéo, c'est « Si tous les abattoirs étaient couverts de vitres, tout le monde serait végétarien ». Je ne peux pas regarder ça. J'ai rêvé de ça cette nuit. Ah, ah bon. J'avais un veau. Il y a un petit veau qui partait à l'abattoir, et puis je voulais l'acheter pour qu'il ne parte pas à l'abattoir, mais j'avais pas assez d'argent. Oui. Je savais pas où le mettre. Mm-hmm. J'ai rêvé de ça cette nuit. Hein, tu veux boire un verre Bon, on peut faire la petite pause breuvage, ça c'est parti pour ça. Oui, oui, oui. Et puis la chanson après, il n'y a pas de pression d'aucune sorte. Hein. Ouais. Oui, oui, oui, oui. Mais en tout cas, lui, McCartney, ce qui est surprenant, c'est que c'est une vraie cigale, parce que beaucoup de gens l'ont connu uniquement dans le contexte Beatles, mais il a son propre groupe maintenant, puis il continue sans arrêt. Puis c'est quelqu'un qui a déjà tout ce dont une partie de l'humanité rêve d'avoir un jour, c'est la richesse et la renommée. Lui, il a tout ça depuis l'âge de 20-quelques années. Mais sa vie, c'est de chanter, puis de créer des chansons, puis il va le faire jusqu'à son dernier souffle. Puis celle que je vais vous faire, elle est très peu connue, parce qu'elle a à peu près 8-9 ans de McCartney, mais moi je la trouve magnifique, puis il n'y a rien à prouver. C'est une petite chanson d'amour très, très tendre. Puis dans le bridge, qu'on appelle le bridge, c'est après c'est une section de mélodie qui est très différente de la mélodie principale. À la fin, du genou, je vais tout le temps t'aimer, parce que j'oublierai jamais ce jour où tu m'as rappelé les raisons que j'avais, ou les raisons pourquoi je savais pouvoir voler par moi-même. Et donc, depuis, je le fais sans souci. C'est de qui? C'est de vous? Non, non, c'est de McCartney, Paul McCartney. Ah, pardon, merci. Ouais. Ouais. Ben, j'écris des chansons aussi, mais moins qu'avant, parce que je trouve tellement de chansons magnifiques de beaucoup de gens. Mais de diverses cultures, que bon, je fais partie d'un trio musical dans mon coin, puis je répète avec un flûtiste qui joue aussi de la cornemuse depuis 6 ans. Puis là, le 25 mars, on a un concert, une lecture musicale dans notre coin. Mais finalement, on joue avec surtout des chansons de d'autres et de diverses cultures. Ça peut être écossais, irlandais, québécois, belles chansons françaises, anglo-saxons, yiddish, ça part un peu dans tous les pays. Pour faire des covers, il n'y a pas de problème de droit Pardon? Les covers, je peux revenir en France. Ouais, ouais. Les reprises. Oui. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur? Non, parce que c'est des concerts intimistes. Tu veux dire, si on a 30-35 personnes sur le mec. Non, non, non. Puis même entre les deux confinements, entre le premier et le deuxième, j'avais eu l'idée de proposer des concerts, des lectures musicales au jardin des copains. Fait que là, tu te retrouves dans un lieu privé, tu fais ce que tu veux. Puis c'était l'été, il faisait bon. Et ça marchait. On a fait 4 concerts en un mois et demi, avec 35 personnes en moyenne. L'ambiance est toujours extrêmement sympa. Bah oui, ça plus d'échanges avec le public qu'un concert. On fait un show devant 200 personnes. Oui, oui, oui. Ouais, non, non, c'est pas ça. C'est pas la communion, il peut partager rien. C'est pas ce niveau-là du tout. Mmh. Le moment breuvage, oui. Moment breuvage. Ou après, oui. Tu travailles des fois avec Gilles Vigneault? Pas personnellement, mais je fais quelques-unes de ses chansons. Ah oui. Puis là, ce qui est drôle, il y a un autre Québécois que je pourrais vous faire, qui n'est pas connu du tout en France. Ah oui. Puis lui, je suis en contact personnel avec lui via Internet. Ah ouais, ouais. Parce que Gilles Vigneault, moi je l'ai vu à Beaucourt, dans le territoire de Belfort, il y a une dizaine d'années. Hein. Mm-hmm. C'était toujours fringant, mais bon, pas jeune. Il y a une voix pas possible aussi, il chante pas faux, mais il y a une voix vraiment... personne n'oserait chanter avec une telle voix à part lui, quoi. Puisqu'on est un peu, enfin, moi j'enregistre toujours un peu, parce que c'est passionnant. Au Canada, parce qu'on parlait tout à l'heure du peuple, on avait... Vous savez qu'il y a un chin irlandais qui dit « May we never have worse ». Il faut même faire 55-100 km pour venir nous voir, ça Merci. Ouais. Merci André. Ouais, le tchin irlandais, c'est « May we never have worse ». Ça veut dire « Puissions-nous ne jamais avoir pire ». C'est loin. Ah, j'ai vu des proverbes irlandais, c'est bien aussi qu'il est en Haute-Loire. Il a un esprit particulier. Ah, c'est adoré, j'adore. Allez. Viens dans votre. Hein. Santé bonheur, je m'en ai cœur. Oui, au Canada, puisqu'on parlait du théâtre du peuple de Busson, on a eu un metteur en scène qui venait du Québec, Thibaut Gervary. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ben, il est retourné au Québec, là. Ouais. Il a été long, une 15 ans. Au théâtre du peuple de Busson, où il était metteur en scène, bon, ben, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mm-hmm. Et voilà, c'est toute une histoire avec lui. Mais moi, je suis un peu déraciné du pays, parce que ça fait 35 ans que je suis en Europe. Oui, c'est ça. 25 ans en Auvergne, puis avant, j'étais surtout sur les routes, puis j'avais un pied à terre chez une copine en Allemagne. Oui. Et donc, je sais plus trop. Oui, ce qui se passe par là en détail, puis j'ai pas le mal du pays, j'arrive pas à attraper le mal du pays, donc je suis toujours prêt à aller découvrir un peu plus loin. Vous n'avez pas fait breveter votre banc qui se retourne, qui permet de voir de l'Est ou de l'Ouest ou du Nord au Sud, je ne sais plus. Vous avez pu gagner de l'argent un petit peu tous les ans avec ça, non? Non, mais... Des trouvailles de banques qui se... Oui, mais d'où ça vient cette info-là? Pardon? Et où tu as trouvé cette info-là? Ah, mais moi, j'ai adouci sur vous, mais comme ça, c'est... C'est en lisant mes articles. Oh. C'est sur YouTube, non, c'est YouTube, vous êtes sur YouTube. Oh. Il y a un reportage de 25 minutes sur vous sur YouTube. Je pense que c'est plutôt la porte ouverte qu'on a fait sur notre maison autonome, peut-être. Oui. Ah oui, voilà, c'est ça, avec les panneaux solaires. Oui, oui, c'est, ouais. Oui, mais pourtant, dans ce temps-là, le banc dont tu parles n'était pas installé. Mais j'explique pour les autres, c'est que nous, on est adossé à une crête de montagne. Puis vers l'ouest, on a une vue à 180 degrés, c'est merveilleux comme vue, avec la Margeride au sud, les grands volcans, Plombes du Cantal, puis Marie au sud-ouest. À l'ouest, la Margeride, le Césalier qu'on surnomme la Mongolie d'Auvergne, parce qu'elle a un caractère très très spécial. Au nord-est, les Monts d'Or avec le Puy de Sancy, d'autres grands... C'est tout du volcanique, ça. Fait que donc, quand je trouvais à Nice, parce que ma copine et sa famille parlent là, la structure d'un vieux banc public en fonte, mais le bois était disparu, puis il y avait un bout de fonte cassé. Bref, je récupérais ça, je trouvais du bois plus costaud, puis j'ai remonté le tout, puis je l'ai installé à l'eau en haut sur la crête vers l'ouest, mais il a quelque chose de très original. C'est un beau concept, mais ça a été oublié après je ne sais pas combien de temps qu'ils l'ont fait à Nice pour les bancs publics. C'est un dossier qui bascule, comme ça. Oui. Si bien qu'au début, tu regardes le soleil se coucher vers l'ouest, puis quand tu viens de sombrer, tu bascules ton banc, puis là, tu t'assois vers l'est, puis tu regardes la pleine lune monter tranquillement. Vous connaissez pas François Cuny, Francis Cuny? Non, il fait plus. Des fauteuils taillés dans les troncs. Oui, les troncs parce que en fait, dans les Vosges, ils tuent les arbres, c'est atroce. Ah, oui. Non, ils sont malades, les arbres. Pas pareil. Bah, la forêt qui est malade. Attends, excuse-moi, Christophe, mais à Vecou, les arbres, ils sont pas malades. Des cyprines, mais ils en plantent aussi, mais des arbres dans les Vosges, ils sont surtout malades. Dans les forêts, ils sont malades. 99, t'attends. Il récupère des vieux troncs, puis fait des sièges en fait incurvés, adaptés tout au corps. Et il a mis ça sur un sommet, mais je ne sais plus trop. On ne parle pas sur un sommet. Il a mis donné l'idée du siège inclinable. Voilà, c'est ça. Pas sur un sommet. Donner des royalties sur un ensemble, ça se trouve tout au corps. Il a fait 80 bancs dans la forêt, dans la 15 mus. On était dans le coup, voilà. 80 bancs, oui, pour rendre hommage aux arbres, comme il disait, voilà. Et c'était, il y a 80 bancs qu'il a répartis tout autour d'un massif ancien où on a lancé une action pour réhabiliter la forêt. Enfin, bref, c'était dans Ballon en balade qu'on avait fait en 2013 avec Recré, justement, notre association. Ouais. Vous êtes prêts? Allez, on est prêts. Ah oui. La chanson de McCartney dont je vous parlais, une chanson que je suis à peu près certain que personne ici connaît. Ah. Qui est très bonne. Mais évidemment, avec mon copain flûtiste, lui, il fait des contre-chants sur... Moi, je fais la voix, les accords, ou arpégés ou non, puis lui, il fait des contre-chants à la flûte, puis sur cela, il en a trouvé des tellement beaux que quand je joue seul, j'entends ces contre-chants, mais là, je ne peux pas les reproduire en plus. Sauf les bons mélomanes. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Days and nights would pass me by. I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. I will love her for life, and I will never let today go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without to care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. It rained, we didn't care. She said that someday soon the sun is gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Tu reconnais bien McCartney dans les textes, parce que les textes sont simples. Oui, il y a une sorte, c'est qu'il sort, il a une sorte de gentillesse naturelle. Une poésie, gentil, quoi. Ouais. Non, mais nous, pour nous les Français, pas pour ouais. Vous apprenez mieux l'anglais que nous, par l'américain qui est proche, mais ouais. je pense que si vous voulez apprendre l'anglais, écoutez les Beatles, quoi. Vous écoutez les Beatles et vous apprenez l'anglais fastoche. Mm-hmm. Oui, non, c'est vrai, il y a beaucoup de belles chansons et des paroles simples. Mm-hmm. Comme ouais. Tu dis. Ouais. On dit souvent que. Plutôt Beatles ou Stories. Pardon? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on propose en France, est-ce que vous êtes plutôt Beatles ou Stories? Ah, puis, mais aussi, c'est que quand ces paroles-là ne sont pas de notre langue, on a tendance à. Écouter cette voix-là comme si c'était un instrument parmi les autres. C'est pour ça que moi, quand. On écoute de la mélodie, puisqu'on n'est pas dans le sens. Mais c'est pourquoi, quand je propose une chanson en anglais, presque toujours, j'explique de quoi ça cause avant. Par exemple, une que je pourrais vous faire un peu plus tard, c'est The Dark of the Bay, que beaucoup de gens connaissent. mais ils ne connaissent, connaissent pas le, l'histoire qui est derrière, le contexte. Puis ça vaut le coup de le découvrir, tu vois. Puis, en tout cas, bref, si on passe par là tout à l'heure, je vous raconterai cette autre belle histoire. Ah, il y a plein d'histoires dans sa besace. Et attention, c'est un oiseau de nuit. Hein. Voilà. Mais je peux. Enfin, j'ai quelque chose. On va prendre des vitamines, non ? On va prendre des kilos, des jus de carottes. L'anglais, c'est facile à apprendre, mais que dépasser un certain, une certaine littérature, ouais. Ça devient beaucoup plus compliqué. Oh oui, mais dans toutes les langues, la langue usuelle, ouais. Qui est un peu basique, avec toujours les mêmes mots, mais surtout que tu vas au-delà de la langue. Ouais, voilà. Dans la littérature, oui, l'analyse politique, là, ça prend un autre bagage. Quoi. Dans la musique, c'est un peu pareil, parce que moi, ouais. J'ai écouté beaucoup de musique américaine, mm-hmm. Les Pixies, Pearl Jam, ouais. Des groupes des années 90, ah, ouais. Et les textes sont très, très pointilleux, pointus. Ouais. C'est difficile à comprendre. Ouais. C'est difficile à comprendre. Hein. Tu chantes tu as des chants qui se rapportent au dialecte indien. Ben j'en connais, mais a cappella. A cappella, ouais. Mais pas la guitare. Parce que là-bas, dans les coins de ta cabane, c'était quelle tribu, quel peuple? Les montagnais qu'on appelle plutôt les Innus. Maintenant, c'est la tribu indienne qui occupe tout le nord-est du Québec. Ah, d'accord. Puis plus au nord, c'est les Inuits qu'on appelait les Esquimaux avant. Mais en tout, si je me rappelle bien, il y a 9 tribus amérindiennes différentes au Québec. Ah, puis j'avais lu un petit livre là-dessus, puis mais là, c'est dramatique. Parce que dans ce temps-là, puis ce que je raconte, ça fait quelques décennies déjà. Il y avait la photo d'une dame de 80 quelques années. C'était la dernière qui parlait sa langue. Ah, d'accord. Puis à cet âge-là, tu n'as plus le temps de transmettre, tu vois. Fait que c'est pas drôle. Hein. Parce que dans ce cas-là, c'est des Micmacs qui sont nord-est du Québec, vers la Gaspésie. Puis autant, ils ont gardé d'autres sur leur propre petit territoire qu'ils ont appelé les réserves amérindiennes, qui n'est pas très beau comme mot, mais non, ça leur a permis d'entretenir jusqu'à un certain point leur culture, leur langue, alors que dans d'autres endroits, il n'y avait aucun territoire, puis ils étaient mélangés à la population blanche, et ceux-là sont maintenant presque complètement assimilés. Oui. Bon, on peut retourner, où c'est qu'on va. Histoire. Oui, il y a plein d'histoires. Comme je vois, oui, ce que je n'ai pas dit aux deux derniers arrivés, c'est qu'il y a 4 sections. Oui, il y a croissance, c'est toutes des histoires avec justement comment on découvre un peu le monde des adultes, les premières petites histoires d'amour, etc. Puis après, il y a session qui s'appelle parents. Qui est moins rigolote, mais qui arrive à l'être encore quand même, parce que moi, j'étais en opposition frontale avec mon père, puis jusqu'à se battre physiquement ensemble. Puis la troisième partie, c'est Cabane au Canada, puis la dernière, c'est Chemin au pluriel. C'est surtout des histoires que j'ai vécues depuis que je suis en Europe, puis qui se passent un peu partout dans différents secteurs. Fait que je sais pas si j'avais envie plus d'une direction ou de l'autre, ou sinon, choisis moi-même dans le temps. Putasserie filiale, c'est quoi ça? Pardon? Putasserie filiale. Putasserie filiale. Oui, mais celle-là, elle est brève et elle est un peu rude, elle n'est pas très drôle. Ça ne nous gêne pas, nous. Non, mais justement, je suis d'accord, je lis celle-là. Ah non, mais pas forcément. Hein, oh oui, non, mais je n'ai pas de préférence, ça ne serait pas là si elle ne me convenait pas. Hein. Bon, ça, c'est dans Chemin, je crois. Oui, c'est ça. Elle est très brève, hein, 157. Ah oui, j'ai des histoires de chiens en chemin, parce que j'ai fait beaucoup de randonnées, de marches militantes et de randonnées privées à travers l'Europe. En tout, j'ai dû parcourir 12-13 000 kilomètres, je ne sais pas, faudrait que je compte en détail. C'est comme de Copenhague à Genève, l'Irlande d'Est en Ouest, Thessalonique à Istanbul, l'Espagne du Nord au Sud, etc. Oui. Quand même. Ouais. Oui. Fait que j'ai chemin, c'est pas pour rien que ça s'intitule comme ça, oui, hein, au pluriel. Bon, c'est très bref, une page. Hein. Putasserie filiale. Je n'aime pas les zincs des cafés-bars qui créent une promiscuité empathique artificielle entre gens de planètes trop différentes. Mais ce matin-là, je suis pressé de continuer mon voyage. Je veux simplement un café vite avalé dans ce village sur la nationale avant d'avaler plus de kilomètres. Juste au moment où je commence à siroter mon petit noir, apparaît quelque chose depuis l'arrière-boutique du bar entre épaves et zombies qui vient s'installer juste à côté de moi. Pas de risque qu'on se cause, car mon air de vieil écolo, bien dans sa peau, le répile sans doute autant que moi quand je considère l'ampleur du cul-de-sac de ce jeune détritus. Imbibé comme une éponge depuis sa fin de nuit dernière, on sent en son air ravagé qu'il a rassemblé ses ultimes miettes pour se traîner jusqu'au comptoir. Son parent, père, oncle ou parentule, je ne sais, lui demande avec grande affection « Tu veux quoi, mon Jérôme ?» Le Jérôme, qui a déjà l'air d'une ruine antique à 30 ans, réunit en congrès d'urgence ses derniers neurones pour répondre « Un grand verre de bière ». Il aura l'air brillant, pour ne pas dire pétillant, encore ce soir après d'hiver, mais succès provisoire et désastre durable. Alors que le parent de service aurait dû lui secouer les puces. Pas de service ici jusqu'à ce que tu te ressaisisses et fasses d'autres choix de vie. Mais la putasserie filiale ne saurait se permettre ça. C'est beau, hein? Là, leçon d'éducation. Ouais. Ceux qui ont des enfants. On coupe les au cul. Ça fait pas de mal. D'accord, attends, attends. Bon, disons, une petite histoire au début de croissance qui raconte une première déception avec le monde adulte. C'est très différent. Et puis, mais ça part quand ça a toutes sortes de couleurs. Certaines histoires sont vraiment que drôles, d'autres très philosophiques, d'autres, par exemple, il y en a un, c'est le voisin au Québec qui me demande d'aller chez lui pour lui donner un coup de main, puis c'est une histoire finalement un peu bizarre, mais je pourrais vous raconter ça aussi. Bon. Mon voisin est un tueur, c'est ça? Pardon? Mon voisin est un tueur. Dans ce cas-là, c'est un tueur, mais un tueur de chien. Un tueur de chien? Mais puis qu'il l'a raté, quoi, en partie. Fait que t'imagines la suite. Enfin, tristesse. Encore le cafard aujourd'hui, en plus grave. Meilleure raison, sans rapport avec l'histoire précédente. Il y avait cette gardienne d'enfant qu'on avait tant aimée. Alors, mon frérot Blatt et moi, on l'avait appelée chez elle, gaillarde d'initiative pour des petits cancrelats, tenez par tendresse, nommons-les cancrelous. Et on lui avait demandé si elle accepterait de revenir nous rendre visite, comme ça, par simple sympathie. Et à notre grande joie, elle avait répondu positivement. Alors, on s'était donné rendez-vous pour 14 heures, et on l'accueillerait direct à l'arrêt de bus près de la maison. Et nous, petits cancrelous, trépignons dès 14h moins 5 à l'arrêt de bus. Mais le bus de 14h sonnante ne déversa que des anonymes. Stupéfaction. Elle aura raté son bus, patientons et trépignons. Tiens, le suivant déçoit aussi. Peu importe, il y a toujours un prochain bus. L'espérance. L'après-midi y passe et les bus, quoique pleins, demeurent irrémédiablement vides. L'espoir ne fait plus vivre. Un adulte, eux, qui toujours nous semblaient si parfaits, un adulte nous a menti. Il nous a trichés sans se soucier de la peine qu'il nous ferait. Tristesse, très grande tristesse, pure en elle-même et sans mélange d'aucun autre sentiment. Plus tard viendra la révolte et l'envie de cracher sur le premier adulte venu, car la blessure est vive, profonde et longue à cicatriser. Petite balafre au cœur qui vieillira avec la vie. Mais pour le moment, nous restons là, bras ballants, pantelants dans notre sang innocent. Très pure tristesse. De dépit, mon frère saute par-dessus la grosse boîte aux lettres rouges et se casse un bras. Une malencontreuse plaque de glace, expliquons-nous à nos vieux cafards de parents, qui nous regardent suspicieusement puisque le printemps est déjà bien avancé. t'es transporté dans tes souvenirs avant d'écrire ou bien ça devient comme ça? Non, c'est faut que je retrouve des flashs. Ouais. Tu vois, qui me dit, ah oui, ça, c'était passé quelque chose de spécial avec cette histoire-là. Et puis ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est plutôt une réflexion un peu philosophique qui parle de presque rien, qui n'est pas nécessairement basée sur un fait saillant. Ben, par exemple, je veux là vous lire une des dernières qui est costaud dans le genre globalisation, on pourrait dire. Ça s'intitule « Farce ». Ah, elle est très brève aussi. Ah, je ris. Tandis que nous nous obstinons avec minutie à essayer de tourner à peu près correctement avec les saisons, à cueillir nos kiwis et tomates avant les premiers gels et à les ressemer en temps voulu pour qu'ils portent fruit, à célébrer naissance, anniversaire, mariage et décès de manière contrôlée afin de maintenir le déroulement de la vie en son cours normal. Pendant ce temps-là, les étoiles crachent leur feu bouillant jusqu'à fondre les atomes dans le vide intersidéral proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273,15 degrés centigrades. Farce cosmique alliant l'extrême de tous les chaos. Et je ris encore. Tandis que conflits égotiques et luttes de pouvoir exacerbent de sempiternelles mesquines querelles, justifiées bien sûr par de beaux grands principes et idéologies, tandis que nos petites raisons cérébrées tentent de juguler les légers excès et désordres d'une humanité sans cesse chancelante, pendant ce temps-là, étoiles s'éclaboussent, galaxies se télescopent et trous noirs massifs avalent quelques luminaires de passage qui leur servent d'amuse-gueule, laissant entrevoir la terreur sacrée des anciens mystiques, à moins que orgasme entre deux plateaux. Tout tourne autour de tout, dans le vide incommensurable, catapulté en ellipse aux destinations incertaines, à vitesse vertigineusement astronomique. Tandis que nous nous sentons rassurés d'avoir les pieds solidement ancrés au sol, tout en notariant nos petits lopins de terre. Au point que, pissant sous les étoiles, je ris aux éclats, et que, rentrant au petit chaud restreint d'un feu de bois, les épaules m'en secouent encore et les côtes légèrement m'endolorissent. Merci à la combien pédagogique, grandiose farce cosmique. Ah, je ris, seul. C'est très sélénétique, ça. Est-ce que je pourrais la lire ce soir? Oui, ah, oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Elle est très forte. C'est impressionnant. Parce que j'ai pas tout écouté. Ouais, impressionnant. Et puis on revise le zéro absolu. Ah oui, alors, dans les mathématiques, on n'a toujours pas trouvé le zéro. Ah oui, le zéro absolu. Non, il y a vraiment un zéro absolu. Ça existe, c'est un point où il n'y a pas de. Non, mais on révise le zéro absolu. Mais c'est quoi alors zéro absolu? Ben, c'est justement un point où les atomes deviennent tellement figés que ça ne peut pas descendre plus bas. Non, là, c'est ça, c'est zéro absolu. Par contre, ce que j'ai appris récemment, c'est que le vide intersidéral, en fait, il est 3 degrés de manière générale au-dessus du zéro absolu. Ah bon? 3 degrés, donc moins 270 au lieu de moins 273. Ah d'accord. Mais ça donne encore froid dans le dos, hein, quand même. Vous voulez que la Terre se réchauffe alors plutôt qu'elle refroidisse, non? Pardon? Là, j'ai pas compris. C'est une bêtise. Bon, ok. Ben non. Mais donc, pour changer un peu, peut-être une histoire de voyage gentil. Oui, gentil, parce qu'il y a toutes sortes de choses dans le voyage. Hein. Et celle-là, je sais. Table d'hôte chez Sainte Paraskevi. Ça se passe en Grèce, à Rhodes, où j'étais allé pour un festival anti-nucléaire. Puis il me restait 2 jours après, fait que je m'étais fait une copine turque, puis ensemble, on a loué une voiture pour aller faire le tour de l'intérieur de l'île. C'est un peu ce que ça raconte. Hein. Juste pour la mise en contexte rapide, 163. T- table d'hôte chez Sainte Paraskevi. D'ailleurs, Paraskevi, en grec, ça veut dire vendredi. Fait qu'en français, le nom de la sainte, c'est Sainte Vendredi. J'ai que... ah, oui. Et donc, Inch'Allah, nous étions, nous dit, en partant pour une tournée des montagnes de Rhodes en Grèce. L'idée étant de nous trouver un lieu propice où manger et dormir, tout en restant dans ces altitudes désertes, hormis pour quelques chèvres traversant soudainement le chemin en terre battue. À mesure que l'automne avance, les jours raccourcissent de manière quelque peu impromptue. C'est donc à la nuit tombée que nous arrivons auprès d'une chapelle orthodoxe éclatante de blanc qui, bien à l'écart du chemin, surplombe depuis son piton rocheux la région environnante pour lui apporter toutes ses bénédictions. La porte est fermée à clé, mais la clé se trouve dans la serrure, ce qui est habituel dans les chapelles orthodoxes en Grèce. Nous entrons. La chaleur du jour, encore accumulée entre ces murs, contraste fortement avec le fort vent frisquet qui souffle dehors. Et nous constatons que tous les éléments pour une parfaite table d'hôte s'y trouvent réunis. Une table ronde, deux fauteuils rembourrés, des bougies et de l'encens. Ce à quoi nous ajoutons notre auberge espagnole. Salade grecque, amandes, pain, feta, olive, vin, raisin, nappe, assiette et couvert. Apéritif sur la terrasse dans le vent fougueux. Puis, sans aller jusqu'à nous sustenter en silence, nous dégustons le cœur en joie et avec respect toutes ces excellentes nourritures terrestres sous l'œil ébahi de Jésus, Marie et de Saint-Georges aussi, qui n'en finit plus de terrasser ces dragons. Ce pourquoi l'espèce a pratiquement disparu aujourd'hui. Même que Jésus nous semble légèrement sévère sans être vraiment réprobateur, car en fait ce regard s'adresse à chacun chacune dans cette vaste humanité. « Que fais-tu de ta vie ?» semble-t-il demander. Toujours est-il que Dieu a su pourvoir et que Allah a très bien Inch. La Turque musulmane et le Canadien catholique témoignent de l'excellence de l'accueil en la chapelle grecque-orthodoxe. Nos agapes étant achevées, nous effaçons au maximum toute trace de notre passage afin de marcher encore légèrement sur la terre sacrée. Et nous allons dormir sur la terrasse à l'abri d'un bas muret qui casse un peu les ardeurs du vent et l'emmêle en ses cordes jusqu'au désordonné tourbillon. Au petit matin, nous reprenons la route encore engourdie de sommeil et aussi un peu transie par les souffles frais d'éole. C'est pourquoi nous oublions avoir décidé de laisser une petite obole pour remercier de cette si suave hospitalité. Mais peu après le départ, dans l'écho des brumes sommitales lointaines, nous avons entendu, je vous jure, notre sainte hôtesse nous répondre « mais non, pour vous c'est tout gratuit, le plaisir l'est pour moi, je vous assure. » Grand merci, sainte Paraskevi, puisse tes dévots toujours te louanger. Très grec. Bon, une autre chanson? Ah oui. Tu t'es pas épuisé, hein? Pardon? Ça va, tu tiens le rythme? Bon, moi, ouais. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Ah oui, ça se sent. Nous aussi. Hein. En général, dans ma vie, d'ailleurs. je sais pas si. Oui, la précédente est une anglo-saxonne. Mais c'est surtout des anglo-saxonnes, mais qui pourraient vous plaire. Entre autres, un petit Leonard Cohen. Ou... Ah oui, ah, alléluia. Ah, ouais. Ah bon, bon, ça a l'air que c'est gagné déjà. Celle-là, tu la connais, Bird on a Wire? Non. Non. Ben, tu risques de la reconnaître tout au moins, oui. Parce que. Je pense que j'ai. Sans capot. Elle est spéciale parce que d'abord, il n'y a pas de rime, c'est-à-dire qu'il y a des longueurs de phrases différentes, puis dans le deuxième couplet, il faut que je place 6 syllabes au lieu de 3 ou 4. Mais, c'est, mais syllabes, je ne sais pas si Cohen fait ça partout, mais sur cette chanson-là, c'est comme ça qu'il a opéré. Ah oui, puis les paroles, c'est spécial aussi parce que, comment dire, c'est... Il dit que finalement, il a été rude avec des gens, il en a blessé, mais qu'il ne voulait pas vraiment, puis qu'en fin de compte, il a essayé malgré tout de suivre son chemin, puis d'être correct en général. Mais avec des paroles, des images assez spéciales. Il dit comme un oiseau sur son fil, comme un homme ivre dans la chorale à minuit, j'ai essayé de suivre d'être libre à ma façon. comme un verre lombrique sur son hameçon, comme un cavalier dans un vieux livre d'images, essayer de te garder tous mes ribbons, des rubans, mais je ne sais pas trop ce que ça représente en anglais, pour toi. Puis si j'ai été un peu méchant, j'espère que tu vas laisser passer la chose, parce que c'était malgré moi. Puis si j'ai été un peu faux, j'espère que tu sais que c'était pas vraiment à ton encontre, envers toi, que je le faisais. Comme un bébé à peine né, comme une bête avec ses cornes, j'ai déchiré tous ceux qui essayaient de m'approcher malgré moi, mais je jure que par ce chant, que tout ce que j'ai fait de mal, c'était pas à ton encontre. Puis là, c'est un autre couplet un peu bizarre, et il dit « Je vois un jeune homme appuyé sur sa canne en bois, puis il me dit « N'en demande pas trop ». Puis en même temps, je vois une jeune femme appuyée contre le cadre d'une porte qui me crie « Mais pourquoi n'en demandes-tu pas plus ?» Comme un oiseau sur son fil, comme un homme ivre dans une chorale minuit, j'ai essayé à ma façon d'être libre. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I've tried in my ways to be free. Like a worm on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I've saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her dark door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my ways to be free. Oui, c'est du Leonard Cohen, ça. Oui. Et donc, vu que j'ai l'air d'apprécier les chansons, on va dire qu'on a fait deux tuiles, deux défilés. Ça vous va, oui? Mais là, c'est un peu spécial parce qu'un Québécois qui n'est pas encore connu en France du tout, il paraît qu'il connaît, commence à être connu en pays wallon, un peu. Puis, ce qui est encore plus spécial, c'est que les artistes ont souvent des sites internet, mais ils répondent à peu près jamais aux gens qui leur écrivent. Puis là, moi, j'aimais beaucoup sa chanson que j'ai apprise, aussi avec un copain flûtiste. Puis donc, il s'appelle Claude Thibault. Puis il m'a répondu. Depuis ce temps-là, on entretient une petite correspondance. Puis là, il nous a dit, mais quand vous sentez votre chanson à votre goût, à votre peu importe le niveau, envoyez-moi là. Je suis toujours content d'entendre les versions des autres. Hein. Puis c'est un grand crescendo, on pourrait dire. Puis c'est, c'est aussi bien. Un son vaut mille mots, c'est aussi bien de l'affaire. Claude Thibault, tu dis? Pardon? Claude Thibault, c'est ça? Oui. Puis le titre, c'est « Le monde a besoin d'amour ». Okay. Puis ça rentre dans le sujet, vraiment, tu vois. Hein? Besoin d'amour comme de l'eau. Le monde a besoin d'amour pour aller plus haut. Le monde a besoin d'amour à tous les jours. Les jours de pluie comme ceux ensoleillés. Le monde a besoin de tendresse pour sécher ses larmes. Le monde a besoin de tendresse pour taire ses drames. Le monde a besoin de tendresse, peu importe l'adresse. Un peu d'amour pour effrayer les vautours. Le monde a besoin d'amour, c'est cruellement urgent. Le monde a besoin d'amour, bien plus que d'argent. Le monde a besoin d'amour à tous les jours. Les jours de pluie comme ceux ensoleillés. Le monde a besoin d'amour, il est minuit moins quart. Le monde a besoin d'amour encore plus fort. Où j'espère vivre assez vieux pour voir ça un jour. J'espère vivre assez vieux pour voir fuir les vautours. Les vautours. C'est une approbation. C'est bien vrai, ça, vivre assez vieux pour fuir les vautours. C'est ça, c'est ça. Ça a un beau sens. Ouais. J'ai pas connu du tout en France. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a autre chose qui vous tente? Ah oui, oui. Mais quoi, vous pouvez préciser? Ah oui. Tout. Ouais, mais. Ouais, ben, ah ben tiens, je crois que Mélodie a des idées. je vais trouver un titre qui me parle. Ouais. Sinon, je parlais de vous raconter l'histoire du voisin là, qui me demandait mon coup de main, mais oui. Si tu as une autre suggestion à avoir, vas-y. Le voisin. Le cycle. Les quoi? Le cycle. Page 105. Oh, le cycle, ah oui, c'est spécial. Ça, ça fait partie de ma cabane au Canada. La cabane au Canada. Le cycle. Ben, c'est peut-être pas ce à quoi vous attendez, mais c'est, ça vaut le coup quand même. Parce que c'est un cycle très particulier. Bon. 105. Voilà, eh bien, c'était une soirée consacrée à André Larivière et à Lens, au Théâtre du Peuple. Alors, André Larivière, on le reverra. On est toujours heureux de l'entendre. Il y a encore une bonne heure d'enregistrement au Café Créma. Et nous la diffuserons dans la prochaine émission, dans 15 jours. Voilà. Alors, bien entendu... Joyeux printemps, heureux mai qui va arriver, et espérons que, voilà, que le printemps soit dans les cœurs et dans les têtes. Arrivederci.